dit on va prier. Père, très clair, nous nous rassemblons parce que tu nous as convoqués ici. Alors que tu as convoqué cette réunion dans les cieux et tu as ordonné que je vienne parler à ton peuple. Père, tu nous as rassemblés ici, Père, parce que tu as quelque chose à dire à ces générations. Tu as quelque chose à dire et nous sommes les habitants de ces feux que tu es en train de préparer. Père, je prie pour ce que aujourd'hui, Père, tu établisses là dans le cœur. Je prie, Père, que personne ne rentre ici, et même comme il est venu. Je prie aux cieux que tu montres que tu es le même hier aujourd'hui pour toujours. Que ta parole s'établisse dans chaque cœur et que tes vies rentrent changent. Que ceux qui vivaient dans l'iniquité changent de façon basse parce que tu es prêt à manifester ta puissance dans ce monde. Que les gens comprennent que l'heure est venue où on se met en rang pour pouvoir te suivre, Père. Je prie, Père, que ces peuples, ceux qui arrivent encore, Père, que tu as rassemblés ici, Père, que tu leur parles toi-même aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as promis que tu viendrais ici, tu prendras ta parole, tu manifesteras ton cœur. Je prie, Père, que tu les parles au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à cette réunion. Il y a eu une réunion dans le ciel ces derniers jours. Il y a eu une réunion dans le ciel ces derniers jours et Dieu m'a appelé à la réunion. Je commence encore pour saisir. Donc faites attention, alors vous allez l'écouter. Il y a eu une réunion dans le ciel ces derniers jours et Dieu m'a invité à la réunion. Il m'a demandé donc de prier ce que je vais faire. Donc faites vraiment attention. Vous pouvez voir peut-être qu'on vous a appelé, quelqu'un a pensé que vous venez, ce n'est pas un hasard. Mais vous avez un prix à payer pour ceux qui ne sont pas ici. Il commence à voir une réunion dans les cieux, il m'a dit bien sûr, je suis venu. Donc par exemple, il y a des messages qui viennent, mais quand tu vas vouloir, je vais les quitter. Et donc, pour cela, il faut que je sois clair maintenant avec tout le monde, d'accord, pendant qu'on est assis. Il faut que ça soit transparent. Il y a certaines choses que je vais vous dire. Je ne fais pas des messages de méthode individuelle. Je vais vous permettre de parler à quelqu'un ici. Je vais dire directement. Deuxième chose, je dis bien suivez attentivement pour que ça ne soit pas dans le monde. Je ne vous fais en aucun cas que quelqu'un m'appelle par la suite. Pour dire que je ne veux pas que quelqu'un soit au milieu de la salle. Je vous laisse comme ça, ça va devenir. Comme ils sont, il faut qu'on soit clair là. Il y a une tête pour le message qu'on a les sorties. C'est comme ça que je vais dire. Donc je ne veux pas que quelqu'un m'appelle parce qu'ici il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Lorsque je vous parle, votre message. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je me tourne à lui maintenant. Je me remets totalement entre ses mains. Mon esprit vous réunit. Je vous soumets tous à la puissance du Seigneur. Alors maintenant, chaque message qui va sortir pour une personne, quand Dieu va permettre qu'on donne le message, qu'il donne le beau message. Si je vous donne le beau message, je ne vous dis pas que plus tard vous m'appelez, vous lui envoyez une quelconque, un quelconque message pour vous dire. Ça m'a frustré parce que je veux que Dieu dise cela en cachette qui vient de moi. Je ne peux pas qu'il décide de la manière que Dieu transmet ce message. Amen. Alors, il faut que ce soit clair. Vous comprenez le milieu de Dieu. Et en disant cela, quelle que soit le message, quand bien même ça nous choque, ça nous pousse seulement à la repentance. Parce que Dieu ne fait pas que quelqu'un se choque pour rien. Vous comprenez? Alors maintenant, si c'est genre, si j'ai des choses qui sortent de cette façon, si vous êtes choqué d'une certaine façon, et que ce soit au milieu de l'assemblée, Dieu t'a averti plusieurs fois. Que Dieu t'a averti de cette façon. Alors mes chers amis, vous qui êtes les religieux, si vous sortez dans un tel milieu et que ça vous semble bizarre, ce n'est pas conventionnel. Ce n'est pas conventionnel ce qui se passe là maintenant. D'accord? Ce n'est pas conventionnel. Dieu s'est choisi ces personnes. Je ne sais pas pourquoi il a choisi. Il a choisi ainsi. Il m'a demandé que viens, je suis venu. Il a dit maintenant, écoute ceci. Pendant qu'on y est, il y a telle personne. Tout ce que vous faites dans le secret, Dieu voit, mes chers amis. Tout ce que vous faites dans le secret, ça ne fait à rien. De cacher n'importe quoi. Parce que, oh mes chers amis, quand vous êtes là-bas, vous voyez tout clairement. Et chaque personne. Alors, les vies sont étalées devant vous. Donc faites attention, vraiment. Faites attention. Faites attention, d'accord, mes bien-aimés. Je vous aime. J'essaie de me convaincre tout simplement. Sinon, c'est comme vous dites. Je vais vous dire. Donc, on va commencer. Je vais prier et vous priez avec moi, n'est-ce pas? Je vais prier parce que le premier sujet de prière, c'est que Dieu nous donne les cœurs ouverts pour que nous puissions comprendre sa parole. C'est écrit là, les gens disent n'importe comment. Chacun fait comme il veut, c'est Dieu qui a écrit, c'est l'homme qui a écrit. Parce qu'il n'a pas encore la révélation de la personne de Dieu. Si toi de l'autre côté, il n'ouvre même pas la bouche pour prononcer le nom de Dieu n'importe comment. C'est n'importe quoi. Donc on va prier que Dieu ouvre notre cœur à sa parole, pour que sa parole nous soit révélée. Pour que sa parole nous soit révélée. Mais c'est pas prier. Père, au nom de Jésus, mon cœur est entre tes mains. Mon cœur est entre tes mains. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu ouvres mon cœur à la révélation de tes paroles. Je prie, Père, que tu ouvres mon cœur à la révélation de tes paroles. Donne à ta parole de pénétrer à l'intérieur de moi et passe de moi la personne que tu veux. Tu nous as appelé ici, Seigneur Dieu de gloire, pour tes paroles. Seigneur, je te soumets mon cœur. Je soumets le cœur de ton peuple, Père, afin que tu leur permettes de comprendre ce que tu as. Merci, Père. Seigneur, que ta parole pénètre leur cœur. Que ta parole pénètre nos cœurs. Que ça renverse les murs de raisonnement. Que ça renverse les murs de philosophie. Que ça renverse les murs de l'humanité. Que ça renverse le mur du moi. Et que Jésus-Christ soit établi sur le cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La deuxième chose, c'est que lorsque on reçoit la parole, il faut la comprendre. Si Dieu nous pas ton entendement, tu vas vous écouter en français. C'est-à-dire qu'il parle en français, vous entendez. Vous entendez juste qu'il dit en français. Mais vous ne comprenez pas l'implication. Vous comprenez quoi? C'est une chose. La Bible est devant vous là. C'est devant vous. Et certains d'entre vous, vous allez colorer. Mais attendez seulement que le Saint-Esprit puisse jeter la lumière là-dessus tout à l'heure. Vous allez voir. C'est écrit noir et blanc dans la Bible. Quand nous disons, nous disons. Parce que Dieu a dit qu'il scelle les choses, ces choses-là pour les donner par révélation. Donc demandons au Seigneur d'ouvrir notre entendement. Quand ces paroles entrent dans notre cœur, que nous puissions la comprendre comme il veut. Comme il veut, pas comme nous. Amen. Prions. Père, notre intelligence, nos incompréhensions, nos grands théologiques et philosophiques, sociologiques, Seigneur, nous créent des embrouilles. Et nous empêchent très souvent d'avoir la compréhension de ta parole. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce aujourd'hui de comprendre l'écriture comme tu le disais. C'est toi qui as soufflé sur les disciples, Seigneur, et qui as prouvé leur intelligence afin qu'ils comprennent l'écriture. Seigneur, souffle également aujourd'hui. Souffle également ce soir. Souffle ce matin, Père, Seigneur, tes enfants, afin qu'ils comprennent ton écriture, comme tu l'as déclaré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, je suis content. Donc, prenons chacun sort son âge. Ne sortez pas du pistolet, rien ici. Ok. Chacun lève son âme. Ok. Amen. Amen. Vous aimez la personne qui l'a écrit? Amen. Ok. On va tout à l'heure. Vous aimez la personne qui a écrit cette Bible-ci? Amen. Vous l'aimez vraiment? Amen. Ok. Vous comprenez ce qui est dedans? Mais maintenant, nous devons la compréhension. Nous avons plus. D'accord? Amen. Vous avez ça devant vous, n'est-ce pas? Ok. Dis à ton voisin, c'est que tu tiens en main. C'est la constitution. C'est la constitution du ciel sur la terre. Du ciel sur la terre. D'accord. Amen. C'est la constitution du ciel sur la terre. Ça veut dire que c'est que le ciel ordonne, comme souvent, c'est là dedans. C'est pas parce que ça n'a pas bien lu. On dit tout à l'heure que Dieu nous dit. Amen. Amen. Et donc, commençons par un passage. Donc, au fur et à mesure, vous allez découvrir pourquoi nous sommes là. D'accord. Vous allez nous découvrir. Je recommence encore la question que j'ai posée. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ? Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22, que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Vous comprenez de la limitation là? Donc, ça veut dire que si tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est là que tu es maudit. Donc, ta réponse, c'est l'enfer. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Même Satan ici. Ne dis pas personne, ne dis pas personne, il y a quelqu'un Satan ici. Je répondais pour vous-même. Quelqu'un aime Satan ici. Tout à l'heure, vous allez voir, quelqu'un vous êtes. D'accord, c'est marrant. Alors, je repose la question. Aimez-vous le Seigneur? Amen. Ok. 1 Corinthiens. Donc, si vous assurez avec quelqu'un qui est comme vous l'avez fait, voici comment ça va vite aller. La seule façon de vous aller vraiment vite là, c'est que vous ouvrez la Bible. C'est-à-dire que quand les passages viennent, on ne dort pas là-bas, on peut rentrer dans les premières pages, vous cherchez là où le passage est passé. Donc aider quelqu'un à côté de vous à trouver ce passage, vous savez ouvrir rapidement la Bible, aider quelqu'un à trouver ce passage. D'accord, bien aimé? Faites vraiment bon, vous êtes bénis. Vous êtes venu dans la maison des questions, là, je vous ai mis à trouver. Donc, 1 Corinthiens au chapitre 2. Pendant que je suis Donc c'est seulement ce qui peut faire obstacle qu'on ne va pas comme ça, dès que le fait qu'on peut la Bible lentement. 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais vous lire tout le monde. Je vais lire tout le chapitre 2. Gardez-vous en esprit que nous avons prié que Dieu vous l'entende et la compréhension de sa parole. Je vais lire que Dieu a donné bénédiction à ta parole. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, vont être anéantis. Les chefs de ce siècle, ils vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour nous. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Et même personne, écoutez bien aimé, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme charnel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on n'en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne, car il a connu la pensée du Seigneur pour l'Esprit. Or, nous avons la pensée de Dieu. Amen. Ce que l'apôtre Paul essaye d'expliquer ici, c'est que les révélations du Seigneur ne peuvent pas être apprises dans l'école de Dieu. Il n'y a pas une école où on va mettre des gens disant que venez, on se forme, vous soyez pasteur. Comme ça, vous allez parler de la part de Dieu. C'est ce que j'avais dit. Il n'y a pas une école où on devient prophète là-bas. Où tu pars, tu sors prophète, tu commences à parler. Où quelqu'un t'enseigne, tu pars, tu sors dans le diplôme que je suis prophète, tu es apôtre. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit. Il dit c'est spirituellement. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, cet esprit-là sonde tout. Ça va dans les profondeurs de Dieu. Ça sort ce qui est en Dieu. Que quand Dieu voulait dire que la terre soit, ce qu'il avait prévu pour cette personne-ci. L'heure arrive, il te donne des vies, le moment est arrivé, on va parler. Vous savez, n'est-ce pas? Amen. C'est comme ça pour chacun de nous ici. C'est comme ça pour chacun de nous ici. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu n'agit pas par la chair, parce que la chair est son ennemi. C'est cela qu'il avait donné là. Condamner le péché dans la chair. Afin qu'il puisse vivre en esprit. Vous y êtes, mes chers amis? Amen. Avant de construire ce que nous allons donner ici maintenant, il est important qu'on mette dans les fils barbelés autour de notre conscience. Vous êtes avec moi? On va construire les barrières de sécurité. Vous savez, quand il y a un un meurtrier commis par la police, la police vient, il valide les lieux, notre espace, ne passez pas. À partir de cet instant-là, ça devient le domaine de l'investigation. Donc on va mettre les balises donc, autour de notre conscience, pour qu'on ne tombe pas dans le raisonnement. Vous êtes avec moi? Ok. Pour qu'on s'assure que le briquet, la barrière sera bien fort, bien fait. Comment mettre un briquet pour bien tâcher les briquets. D'accord? Premier briquet. Il dit bien premier briquet qu'on va mettre au sol maintenant. Pour qu'on s'attache le plus possible. Tout ce que Dieu veut que l'humanité connaisse de lui est confiné dans la salle. Que l'humanité connaisse de lui. C'est toujours dans la Sainte Bible. Premier. Et donc, il n'y a plus besoin de révélations extérieures qui pourraient aussi pendant compliquer la Bible. Et donc, il n'y a plus de révélations extérieures qui pourraient dans ce cas compliquer la Bible. Je vais dire ceci. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, en donnant les 66 livres, en dehors des sciences libres de la Bible telle que c'est là, c'est suffisant pour savoir tout ce que Dieu veut que nous fassions. Je ne sais pas. Dieu, lorsqu'il a dit que la lumière soit, la Bible telle que vous avez été au ciel, vous savez ça? Vous savez que la Bible que vous avez devant vous, là, c'est au ciel comme ça? Amen. Avec chaque verset que vous avez là? Amen. Alors, premier piquet. Écoutez bien, mais vous ratez ce piquet, c'est tout à l'heure qu'on va avancer, vous aurez des problèmes. Donc gardez bien ce piquet là. Premier piquet. Tout ce que le Créateur, tout ce que le Seigneur de l'univers, avant de créer les cieux et la terre, tout ce qui se trouve, les amener dans les cieux, sur la terre et sous la terre, avant qu'il ne les crée, tout ce qu'il veut que nous sachions de lui, se trouve dans la Bible. Et par conséquent, il n'y a plus besoin d'une révélation extérieure. Donc il n'y aura pas un autre livre qui va venir en dehors de ceci. Premier piquet. Bien. Donc je vais vous donner des versets comme ça pour que vous puissiez revenir. Écrivez à côté de cela, Romains chapitre 3, le verset 4. Si Dieu permet qu'on arrive, c'est que ça va lire. Il sait que ça vient. Je l'ai donné. Romains chapitre 3, le verset 4. Vous y êtes? Proverbe chapitre 30, verset 5 et 6. Notez vraiment vite. Et souvenez-vous, si il me prend et puis vous remarquez qu'il est en train d'aller vite, faites comme ça là, quand on descend comme la voiture, d'accord? Proverbe chapitre 30, le verset 5 et 6. Je n'ai pas demandé que vous l'ayez lisez, notez pour qu'on avance. Lorsque vous aurez besoin de lire, on a besoin de lire, on va lire. Et si vous voulez, vous laissez ce qui se trouve dans ces proverbes, vous savez très bien ce qui est écrit. Il dit, n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'il ne te réfère et que tu ne sois trouvé menteur. Donc quand la Bible est écrite là-dedans, si quelqu'un dit autre chose en dehors de la Bible, c'est un menteur. S'il est menteur, il se trouve dans quel camp? Mais vous ne parlez pas. Il se trouve chez qui? Donc si quelqu'un dit quelque chose venant des cieux qui ne se trouve pas dans la Bible, c'est un menteur, quelle que soit la chose. Nous sommes d'accord? Les piliers, c'est mon objectif. D'accord? Donc j'ai dit Romains chapitre 3, verset 4. Romains chapitre 3, verset 5 à 6. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Ça vous connaissez. Pas vrai? Je vous ai dit que cette livre de la Bible aussi, il faut qu'on n'y ajoute rien, il faut qu'on n'y tranche rien. Donc, Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Deuxième pilier. Vous savez, si j'avais un pilier ici, j'avais la porte pour se retrouver là-bas. Ces piliers, c'est pour mettre notre raisonnement hors des toits de nuit. Parce que quand vous mettez votre deal comme ça, c'est rectangulaire. Il y a un pilier ici, un pilier ici, un pilier ici, un pilier ici. Et alors là, on dit donc qu'on est fanatique de la Bible. Qu'on est formé. Vous savez, quand on est formé, c'est qu'on a fixé les bords. Vous ne sortez pas. C'est ce que Satan fait. Satan fait pour que vous vous débornez. Quand vous vous débornez, il vole le territoire. D'accord? On va fixer les bords. Deuxième. Chaque fois que l'humanité va se détourner de la voie de Dieu, chaque fois que l'humanité va se détourner de la voie de Dieu, chaque fois que l'humanité va se détourner de la voie de Dieu, il va et il suscite toujours. Il aime le Seigneur bien sûr. Chaque fois que l'humanité se détourne de la voie de Dieu, il va et il suscite toujours ses serviteurs pour faire revenir les gens à la voie initiale. Il ne change pas. Chaque fois que les hommes, les gens se détournent de la voie de Dieu, quel que soit le temps que ça pourra mettre, il dit bien, quel que soit le temps que cette détour, c'est-à-dire que si vous détournez, vous marchez, quel que soit le temps que ça va mettre, que ça va arriver, le jour où Dieu vient, qui te dit, tu te rencontres quelque part, il va dire que le chemin, c'était ici que tu t'étais détourné. Vous êtes avec moi? Voilà. Il dit, c'est très, les piliers qu'on sont en mettre, c'est très important. D'accord, mes bien-aimés? Donc, premier pilier que nous avons écrit. Vous avez encore ça devant vous. Tout ce que le Créateur veut que nous sachions de lui, c'est tout déjà compilé dans les Saintes Écritures, dans la Bible. D'accord? Deuxième pilier. Chaque fois, chaque génération de l'ère humaine, de la période humaine, des dispensations humaines sur la terre, quand l'homme s'est détourné de la voie de Dieu, Dieu suscitera toujours et suscitera toujours ses serviteurs pour faire revenir les gens à la voie initiale. Bien. Amen. Vous pouvez prendre 2 Chroniques chapitre 15, le verset 14 et 15. 2 Chroniques, notez. 2 Chroniques. Chapitre 15, le verset 14 et 15. D'accord? Le livre des 2 rois chapitre 15. Chapitre 22, chapitre 23. Le livre de 2 rois, chapitre 18. 2 rois, chapitre 18. Chapitre 22 et chapitre 23. Vous avez moi, pour que vous venez devant. Je commence pour ce deuxième pilier. On va lire 2 versets, 2 passages avant ce deuxième pilier. Chaque fois que l'humanité s'est détournée de Dieu, mais chaque fois que l'humanité va se détourner de Dieu, Dieu va toujours susciter ses serviteurs, pour faire retourner les gens à la parole, à la voie initiale. C'est-à-dire que quand Dieu avait dit, là vous avez quitté là-bas, c'est là où vous allez y marcher. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok. Donc j'ai dit 2 Chroniques chapitre 15, verset 14 et 15. 2 Rois chapitre 18. Chapitre 22. Chapitre 23. D'accord? Prenons 2 passages qu'on va lire. Apocalypse chapitre 2, les versets 4 et 5. Les versets 4 et 5. On nous donne ce verset. D'accord? Apocalypse chapitre 2, les versets 4 et 5. On va lire. Donc, peut-être le dernier livre. Donc, les autres, chaque fois, quand vous allez rentrer à la maison pour étudier, chaque pilier qui est donné, allez avec la parole qui est à côté, lisez en regardant la parole. Réutilisez seulement le pilier en regardant la parole. C'est les gardes pour que Dieu nous a donné. C'est les gardes pour que Dieu nous a donné. D'abord, même les piliers eux-mêmes, on ne peut pas, je ne peux pas baliser de piliers sans que ça ne soit scripturaire. Puisqu'on a dit clairement que tout doit être lisé. Tout doit être lisé, ok. Tous les arts de la Bible, tous ceux qui sont dans la Bible, ont fait cette réparation, ils ont enlevé les bords. Et nous sommes à la fin là. Tout doit être. J'ai dit Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5. Je vais lire. Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5. Dans cet Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 10, il s'agit de l'église des pères. La première église. Donc la période de l'apôtre Paul. Il commence à donner des injonctions. Il y a avec le verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez comment le Seigneur dit, n'est-ce pas? Il dit, je suis d'accord avec toi pour tes choses, Mais ce que j'ai contre toi, c'est que je te reproche. Ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné. Quand on dit abandonné, c'est qu'on a dit on a quitté le premier amour. Donc l'amour initial, ce n'est pas ça. On a quitté cet amour-là. Alors au verset 5, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, quelle qu'en soit la longueur de la chose, quelle qu'en soit la distance où tu es tombé, Dieu te prend garde, c'est depuis là-bas. Parce que c'est ici. Il dit, souviens-toi donc là où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Dans les œuvres que tu as dit, C'est ça que dit deuxième utilise. Chaque fois que l'humanité va tomber dans le péché, c'est le voie de Dieu. Quand Dieu va se révéler pour donner ses serviteurs, il va se réunir là. Vous dites amen. Après les apôtres, deuxième passage, on va lire. Après les apôtres, chapitre 17. À partir du verset 21 jusqu'au dernier, je vais lire quand même un passage. Quand même, ça va vous mettre à un sonnet d'alarme dans l'esprit, vous allez comprendre pas les questions. Parce que nous avons prié pour que Dieu comprenne les écritures, pas vrai? À partir du verset 21, je lis. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout devant l'aéroport, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Écoutez bien, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui donne à tous la vie, la respiration à toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des formes de leur demeure. Dieu a fixé des bons pour eux. Oui, bien. Il a voulu, regardez bien cela, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en ta terre, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à des pierres sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. Vous y êtes ? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il s'est assez répandu. Vous pouvez s'arrêter là-bas. Donc, prenez juste. Vous remarquez très bien que l'apôtre Paul a répondu au fait, Dieu a envoyé un messager quelque part, parce que les hommes qu'il a créés sont divinés. Chacun avait des statues qu'il avait adorées. Mais l'heure de Dieu est arrivée. Ce n'est pas parce qu'il était dans l'ignorance que tu vas accepter que non. Comme tous sont dans l'ignorance, laissons-les comme ça. Vous pouvez considérer la tempête de Mohamed, par exemple, et je ne verrai pas à lui. Jamais. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur agit. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça que le Seigneur agit. Alors, il a envoyé Paul à Athènes pour Paul leur expliquer cette voie. Il a dit, en parcourant votre vie, j'ai vu vraiment que vous êtes vraiment extrêmement religieux parce qu'il y avait l'objet de votre dévotion. En fait, il a donné clairement qu'en fait, vous êtes sur le mauvais chemin, vous êtes sur le mauvais chemin. Après, il dit, Dieu-là, ce Dieu que vous avez cherché à rien, c'est lui qui s'en est là. Il a voulu que vous cherchiez à l'avenir, effectivement, vous avez l'avenir. Toi, tu es tombé sur Bélé, celui-ci est tombé sur Platon, celui-ci est tombé sur Zeus, celui-ci est tombé sur quoi, vous comprenez. Les mythologies grecques ont lancé maintenant dans la vie. Celui-là, donc, le Dieu qui a fait le ciel, le ciel et la terre n'habitent point dans les maisons faites d'hommes. Pour les gens qui sont passés, tape du Seigneur. Adorer le Seigneur, on entend bon mari dans notre cœur. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur, Dieu des armées. Ça n'a rien à voir avec lui. La Bible dit qu'il ne vit pas, il ne va servir pas les mains d'hommes. Il a besoin de cela. Dieu fait le cœur humain, les cœurs. Amen. C'est ça. Donc l'apôtre Paul dit à ces humains qui ont été devant de lui, il veut leur dire que si Jésus a fait qu'on ne s'est pas ignorant, après maintenant, vous devez avoir repentance. Quand il dit que vous devez avoir repentance, c'est que tout le temps que vous avez passé là, vous n'étiez pas avec lui. C'est-à-dire, tout le temps que les Athéniens avaient passé, quels que fussent les discours mielleux, tous les discours mielleux, catholiques, philosophiques, instructifs qu'ils avaient eu à faire, qui sont célèbres dans les ouvrages humains aujourd'hui, c'est zéro pour Dieu. Vous savez, n'est-ce pas? Mais ils avaient assez repenti. Amen. Amen. Donc souvenez-vous, parole de prière. C'est pour ça qu'il dit qu'on lit Apocalypse chapitre 2, verset 4 et 6, 4 à 6, 5, et Acte de l'Apôtre chapitre 5, verset 21. Donc, voilà le débat. Donc, premier pilier, tout ce que le Créateur de l'univers veut que les hommes sachent de lui, c'est qu'on est dans la Bible. Deuxième pilier, chaque fois que l'humanité va pécher devant de Dieu, quitter la voie de Dieu, il va toujours susciter les serviteurs pour faire revenir les gens. Souvenez-vous, je n'ai pas dit à ça. à la voie initiale. C'est-à-dire que vous allez commencer là où vous étiez tombé. C'est n'est-ce pas? Il n'y aura pas, il n'y aura pas l'autre. On a tous deux choix, soit vous obéissez, soit vous désobéissez. Vous aimez le Seigneur, bien aimé? Amen. Je vais vous me regarder bien dans les yeux. Je vais parcourir vos yeux des regards maintenant. Pour savoir si vous m'aimez. D'accord? Vous m'aimez? Amen. Vous m'aimez vraiment? Amen. Vous m'aimez vraiment? Amen. Vraiment? Amen. Vous m'aimez. Souriez comme ça, parce que tout à l'heure, je ne veux pas recevoir des choses ici. Donc on a déjà de mettre des piliers seulement. Mais de toute façon, quel qu'en soit ce qu'il en est, mes chers amis, je sais ce qui se trouve devant. Je sais exactement où nous sommes allés. Je sais exactement la mission que le Seigneur Dieu nous a même donnée. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Dieu m'a ordonné de restaurer la doctrine de l'Église. Il m'a ordonné cela. Et c'est ce que je vais faire. Donc, c'est une joie. La joie est immense de ma part d'être devant vous, qu'on soit tous servis, pour faire ce qu'il m'a commandé de faire. Et encore, vous devez être aussi en joie parce que vous êtes les prémices de ces choses-là. Parce qu'un jour, vous êtes revenu. C'est vrai que c'est choquant à première vue. C'est vrai que ce sera difficile au premier commencement. Mais tout ce qui est né de Dieu triomphe. Vous direz, voilà. Souvenez-vous de ceci. Je n'ai pas dit que ne vous attendez pas que je vais vous en que je ne suis pas tombé là. C'est pas comme ça. La révélation de tes paroles est claire. Vous savez ça, n'est-ce pas? Amen. Donc, il ne reste nulle part. C'est ce que j'allais te rester chez vous. On va aller. Dans votre Bible, on va aller. D'accord? Amen. Ok. Je crois que tout le monde qui est ici, allez, près du premier pilier. On passe au troisième pilier. Amen. On passe au troisième pilier. On passe au troisième pilier. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Troisième pilier, donc. Toute bénédiction ou toute réussite ne vient pas forcément du Dieu des armées. Notez ça. Toute bénédiction et toute réussite ne vient pas nécessairement, ne tire pas son origine du Dieu du ciel. Donc, ne vous contentez pas à dire que mes choses réussissent. Je réussis bien dans mes entreprises. Non, j'ai prié, tu es avec moi. C'est le voici accepté de Dieu, les millions sont tombés. Et tous les jours, ne pas tout à l'heure. Je recommence encore ça pour vous sachiez. Toute bénédiction. Et toute réussite n'est-il pas toujours son origine depuis le ciel où Jésus est assis sur le trône. Amen. Oui, les choses, les piliers que vous avez dit, en citant les piliers, vous savez que c'est normal, c'est que c'est scripturaire, pas vrai. En citant tout simplement, vous savez que c'est scripturaire. Mais il faut qu'on cite cela. Vous voulez vous dire des messages, c'est un peu. Quand ça va sortir, je vais vous dire, je vous regarde seulement, ça va être un nom. Donc toute bénédiction et toute réussite n'est pas de réussite, c'est réussite dans la vie matérielle. Toute bénédiction et toute réussite n'est-il pas leur origine nécessairement de Dieu qui habite dans les cieux et qui règne sur la terre. Vous voyez, je ne dis pas que Dieu dans le ciel, parce que dans le Dieu dans le ciel, c'est le bas, Satan habite là-bas. Mais ça n'est pas. On appelle le Dieu de ces cieux. Je veux qu'il fasse bien que mes terminologies et mes thèmes soient clairs pour distinguer parmi les deux qui sont ici à Rome. Il s'agit du Seigneur Dieu des amis, du Seigneur Jésus de Nazareth. D'accord, mes bien-aimés? Ok. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Dit quoi? Vous connaissez ça? Par cœur, normalement, vous cherchez les bénédictions. Allons-y. Quelqu'un cite ça à haute voix. Vous ne voulez pas citer non, ou bien Dieu a lavé ça de votre cerveau. Ok. Quand le Saint-Esprit dit dans ce livre que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne vous sur aucun chemin, il est en train de dire indirectement qu'il y a des bénédictions qui ne viennent pas de lui et qui vont faire sur le malheur. C'est ce que l'Écriture a annoncé. Il dit c'est la bénédiction, c'est. Donc les gens de bénédiction qui viennent de Dieu, c'est ce type-ci. Ce qui vient de lui. Ça vient de lui, ne pense sur aucun chemin. Donc il y a des bénédictions qui viennent d'une autre source. D'accord, mes bien-aimés? Donc, premier verset, Proverbe chapitre 10, verset 22. Vous avez moi, n'est-ce pas? Vous devez dire, toute réussite et toute bénédiction. D'accord? Ok. Donc, ces passages sont longs. Je vais citer quelques-uns, mais vous connaissez. D'accord? Mais vous allez noter, parce qu'il faut que vous étudiez ça. Notez 2 Chroniques, chapitre 13 et chapitre 15. 2 Chroniques, chapitre 13 et chapitre 15. Je vais citer ce qui se passe. 2 Chroniques, le livre des 2 Chroniques, chapitre 13 et chapitre 15. C'est moi. Nous sommes au troisième sujet, n'est-ce pas? Vous remarquez bien. 2 Chroniques, chapitre 13 et chapitre 15. Dans 2 Chroniques, chapitre 13, il est question de la déportation de l'âme de l'Éternel pour la vie. David, les Philistins avaient pris l'âme et ils sont partis. David a tenu conseil avec tous les gens du peuple, tous les chefs du peuple, qu'il est bien qu'on va chercher l'âme de l'Éternel. La pensée était notable, était noble, et était vraie, et était bonne. Souvenez-vous ici, cette pensée est bonne. Ce n'est pas mauvais. Maintenant, en partant, l'erreur qu'il a faite, c'est que la Bible déclare dans ces 2 Chroniques qu'il allait raboter des bois, des bons bois. Vous savez comment les vrais menuisiers ont construit des bois pour le président. Ils ont fait ça, mettre des vernis là-dessus pour aller porter l'âme de l'Éternel, mettre à l'intérieur. Il rentrait à un endroit de le feu, monter sur quelque chose, ça a pendu, quelqu'un a tendu la main sur ça. Boum, le feu est sorti, ça a pendu. Une personne est tombée, il est mort. Ils ont voulu faire quelque chose pour Dieu. Mais ça ne fait pas. Ils ont tendu la main parce que la chose de Dieu qu'on était en déporte pour rentrer avec, il rentrait, arrêtez là-bas, c'est monté sur là. Cette faute-là, Dieu le montre et comment ce que j'en ai voulu comme pulier. C'est monté là-bas, même pas. Il y a un monsieur qui a tendu sa main pour soutenir, pour qu'il ne tombe pas. Le Dieu qui était dans l'arche là, a fait tout pour tuer celui qui voulait le soutenir qui tombe. Ok. La Bible déclare dans 2 Chroniques chapitre 13 que quand j'avais tenu comme ça avec le prêtre, je ne pouvais pas qu'il faut qu'on va prendre l'arche de l'Éternel. Tout le monde dit d'abord, ça c'est la chose parut bonne. Tout le monde était d'accord, mais Dieu n'était pas d'accord de toute façon. Vous dire, au chapitre 15, dans le verset 14 et 15, il y a un monsieur qui s'est trouvé là-bas, on l'appelle Nathan. Quand l'âge, ne faites pas ce que j'ai dit, madame, je ne fais pas ça. Quand l'âge va faire, boum, il va aller mettre chez Obed là-bas, plus tard, il va aller voir le prophète Nathan. Remarquez très bien. Tout Jérusalem, tous les chefs avaient dit que non, c'est bien que tu vas chercher l'âge. Vous saisissez, n'est-ce pas? Mais quand ça a brûlé quelqu'un, non, on est venu voir la personne indiquer qu'il fallait demander depuis le serviteur de Dieu au point pour cette tâche-là. Le porte-parole de l'Éternel, le prophète Nathan. Ils sont venus demander à Nathan que Nathan, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, voici, c'est pour ordonner l'Éternel. Chaque fois qu'on va porter l'âge, il faut que ce soit 4 lévites qui portent cette âge. Et que un lévite soit d'un côté, il met ici, un autre lévite soit là-bas, un autre soit là-bas. Nathan ne dit pas quelque chose de nouveau, parce que Nathan avait ordonné. C'était écrit comme ça, que chaque fois qu'on va devoir transporter cette arche, ça doit être comme ça. Et ils sont allés faire le rabot. Quand ils ont fait le rabot, le bois avait bien réussi, la forme avait bien réussi, les dents avaient bien réussi, mais ils avaient raté quelque chose, on va chercher selon la foi des dents. Alors, ils ont convoqué les lévites maintenant, demandé sanctifiez-vous. Parce que David va dire, sanctifiez-vous et venez avec nous et entrez dans votre service. Parce que la dernière fois, nous ne l'avons pas cherché selon sa loi et il nous a frappés. Donc chaque fois que vous avez une bénédiction, remarquez bien que c'est réussi là à faire suivre le chagrin. Un père d'enfant est mort. Dieu s'en fout si son enfant va aller à l'école. Si sa femme sera veuve, vous avez commis l'erreur parce que c'est la ligne rouge qui va marcher. Il a frappé. L'autre est mort là-bas cassiné. Il est sorti de sa maison, il dit à sa femme que chérie, j'arrive, on ne peut pas porter là, c'est une grande fête solennelle, il n'est jamais rentré. C'est ça. Donc toute réussite et toute bénédiction ne tire pas son origine directement du trône. Pas toujours. D'accord? Deuxième passage. Quand vous avez noté 2 Chroniques chapitre 13, chapitre 15. Vous ne connaissez pas? Jérémie. Notez Jérémie, on va dire c'est Jérémie pour vous voyez, parce que je vais expliquer un point ici dans ce Jérémie, c'est que vous voyez. C'est qu'il y a des contrats de monde. Jérémie chapitre 44. Jérémie, soyez vraiment sérieux. Soyez vraiment sérieux. S'il y a des gens qui vous n'avez pas été sérieux, donc n'ayez pas la pensée que vous avez un programme quelque part ou ne pas. Ne faites pas ça. Ne faites pas cela. Parce que vous êtes participant là d'une chose, mais venu Dieu à les préparer pour cette génération. Frère, je crains souvent de dire des choses. Et parce que les gens n'arrivent pas à voir au-delà de leur nez. C'est-à-dire qu'on regarde seulement à la chair. On regarde seulement au quotidien. On ne regarde pas au-delà du passé, au-delà du résultat. Mais quand tu regardes cette façon et que tu entends la voix de Dieu, tu montres exactement ce qui est en train d'arriver, frère, tu marches sans crainte. Donc faites vraiment attention. Il ne s'agit pas d'une tergiversation. Il ne s'agit pas d'une discussion de la parole. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Parce que ce que Dieu a dit, c'est clair, c'est établi. On va y arriver. D'accord? Donc, Jérémie chapitre 44, lisons à partir du verset texte. Jérémie chapitre 4. Lorsqu'on va lire ici, vous allez comprendre, vous allez voir les questions. Jérémie chapitre 4, verset 15 au verset 17. Moi, ça va être là-bas, bien au verset 19. Notez, quand je lis ici, le point est ressorti, vous allez lire. On a lu à partir du verset 15. Tous les hommes qui savaient que leur femme offrait de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays de l'Égypte, à Patros, répondit ainsi à Jérémie. Qui est Jérémie déjà? Le prophète de qui? Donc ce peuple s'est regroupé là. On dit que ce peuple-là offrait des gâteaux à d'autres dieux. Jérémie, lui, savait qui? Le seul vrai Dieu que nous sommes en train de servir, n'est-ce pas? Ok, ce peuple s'est réuni, ils ont dit à Jérémie, suivons ce qu'ils vont dire à Jérémie, le prophète des dieux, le prophète des dieux. Nous n'étions, c'est terrible. Ce peuple sont réunis. Le porte-parole de l'Éternel se trouve devant eux. Ils ouvrent la voix comme ça, tous unanimement. Il dit, nous n'étions pays, grand point, parce que tu as en train de déclarer, donc ils ont avec ton Dieu. Il dit, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. N'est-ce pas terrible comme déclaration venant d'un peuple? Ok, regardez. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre Dieu. Offrir de l'encens à la reine du ciel. C'est ce qu'on appelle dans l'église appelée Marie. Donc si vous êtes des catholiques, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue. Voilà ce que les gens font les servir. On ne parle, ils ne comprennent pas. Regardez. C'est ce que les catholiques servent. Voilà dans la Bible. Vous êtes là rencontré tout à l'heure dans le Nouveau Testament. Vous êtes sans quoi. D'accord? Alors souvenez-vous du premier pilier. Tout ce que Dieu veut qu'on sache de lui se trouve dans la Bible. Si vous prenez votre compétition de l'église catholique, le catéchèse, vous regardez derrière, vous allez voir le Regina Caeli, la cantique à la reine du ciel. C'est écrit littéralement par la reine du ciel. Donc on chante un cantique à la reine du ciel. Donc la Bible appelle que c'est un démon. Et les êtres humains sont en train de servir. Pensez qu'ils sont chrétiens. C'est terrible. Regardez bien, voici Jérémie le prophète. Si la reine du ciel vient de Dieu, elle doit être du côté de Jérémie. Jérémie est en train de parler, quitter cette voie-là pour servir Dieu. Il ne dit jamais, toi, ce que tu dis au nom de Dieu là, on ne veut pas. Et c'est la même chose aujourd'hui avec la religion catholique. La même chose, ça n'a pas changé. Les corps peuvent mourir, les esprits vont sortir, reprendre les mêmes œufs. Nous allons voir les pasteurs tout à l'heure. Observez seulement les pasteurs et les pharisiens devant Jésus. Voyez les réactions. Lisez Matthieu 23 et vous allez voir le même esprit qui était sur les pharisiens qui étaient devant Jésus. Vous allez voir ça, les mêmes choses sur les pasteurs. Parce que les corps de ces personnes sont morts, les esprits sont toujours là. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, il dit que nous voulons faire ce que notre bouche l'a déclaré. Offrir des gâteaux à la reine du ciel. C'est terrible. Bien, mais n'oubliez jamais ce nom si vous sortez d'ici. La reine du ciel. Donc, cette femme, vous voyez, à l'église catholique, vous voyez, on met là. Avec un petit enfant là, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la reine du ciel. Un démon terrible. Donc toute personne qui dit je vous salue Marie, c'est pas que c'est pas Marie dont on devait parler. Mais ça va, parce qu'ils ont pour non, c'est la mère de Jésus. Et quoi, c'est comme ça là. Or, le simple coup de sang lit la Bible, dans l'histoire de l'Église catholique, vous savez clairement que c'est pas rien. Avant que même Jésus ne vienne sur la terre, on célébrait déjà cette femme-là. La preuve, c'est ça ici. C'est 700 ans avant Jésus-Christ. C'est avant que Marie elle-même ne soit née. Là, voici déjà qui est présentée ici. Cet esprit, cet esprit-là. En Égypte, on l'appelait Osiris et Iris. En Orient, du côté de l'Inde, on parle de Krishna et de Shiva. Ouais, en Kali, on parle de Semiramis. Semiramis est Nimrod. Tu veux une femme qui porte l'enfant comme ça. La mythologie. Chez les Grecs, c'est la même chose. Vous y êtes? Amen. Ok. Bon, avançons ici. Il dit, verset 17 encore, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Écoutez la suivante. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous ne pouvions pas de malheur. Donc ils servaient ces dieux-là. Ils avaient des bénédictions. Ils savaient très bien que venait servir Jésus. C'est venu sur le temps où Dieu donne quelque chose en son temps, selon son temps. C'est pour ça que ouais, les gens quittent, ils ne veulent pas suivre la Bible. Ils partent dans le monde, ils disent que vivre heureux, mourir jeune. D'autres vendent les parties de leur organe. D'autres vendent carrément les membres de leur famille pour aller avoir de l'argent. Vous voyez, une jeune fille sort de l'école pour mettre la carte partout, vous voyez, le mec a une de quoi. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle a vendu son âme au diable. Pour avoir de l'argent. Cet argent-là, les bénédictions-là, c'est pour l'éternel. Vous savez, mes amis? Donc ceci, je dis. Le troisième pilier, c'est que toute bénédiction et toute réussite ne tire pas toujours son origine du ciel. Les gens, si les bénédictions qu'ils avaient là, tiraient leur origine de la reine du ciel, du démon. Bon, autrement dit, mes chers amis, les richesses qui ne sont pas de Dieu est contrôlée par cette femme qu'on appelle Marie. Voilà pourquoi la richesse du monde se trouve dans l'église catholique. C'est pour ça qu'il ne peut pas quitter. C'est ainsi par les... Voilà pourquoi il ne peut pas quitter. C'est elle qui donne ses bénédictions. Vous voulez qu'on la voie encore? Vous voulez qu'on la voie encore? Acte des apôtres. Allons-y là-bas là. Vous allez là-bas l'église. Acte des apôtres. Je crois que vous avez noté Jérémie, n'est-ce pas? Bien aimé, aussi vous pouvez savoir ce qui est arrivé dans le temps. Ce qui est arrivé. Pour savoir là où la mienne s'est dirigée. Ce qui est censé se passer maintenant, bien aimé, qui me dit à genoux, commencer à pleurer seulement devant le Dieu. Je suis devant vous tout tremblant, sachant que une est en train de s'ouvrir pour l'église, Seigneur Jésus. Et tout en étant heureux également du fait qu'il met du boulot pour amener ce pierre de contribution à son corps. Parce que ça sera difficile, mais la récompense qui est devant est assez grosse pour qu'il puisse quitter cette récompense au détriment des sentiments. Donc mettez-vous bien à l'esprit que je ne gérerai aucun des sentiments entre vous et moi par rapport à ce qui est déposé. D'accord? Acte des apôtres, je vais lire à partir du verset 21. Suivant, attention, nous parlons des maris. Donc mettez, dis à ton voisin Marie entre guillemets. Marie entre guillemets. Voilà. Maintenant, regardez. Après toutes ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem. En traversant la Macédoine et la Caïn. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie quoi? Voilà. Verset 22. Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Erat, et il resta lui-même quelques temps encore en Asie. Écoutez bien. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de qui? Diane. Souligné, là voilà. Les temples de Diane. Écoutez bien. Et procurait à ses ouvriers un quoi? Un gain. Considérable. Ok. Donc cette personne-ci travaillait pour la déesse Diane. Donc dans le Nouveau Testament, maintenant, elle s'est métamorphosée en se faisant maintenant Diane. Donc celle qu'on a vue tout à l'heure comme reine du ciel chez Jérémie, elle s'appelle un temple Akeras, Semiramis, Osiris. Vous pouvez entendre, n'est-ce pas? Ici, c'est Diane. D'accord? En 431, à Constantinople, on a sanctionné maintenant qu'elle est la mère. Et là, on a donné le nom, maintenant, on a pris. Son nouveau nom est devenu maintenant Marie. En 431, Nostorius a protesté, la population a encore sorti. Et une fois de plus, cette population, ils sont sortis avec la lampe torche là-bas à Éphèse. Ils ont parlé. Nostorius a beau parler de comment que ne faites pas ces choses, ne faites pas ces choses-là. Toute la population a fait taire comme ils ont fait taire Jérémie. Ils ont dit que non! Grand est la déesse du PC. Je dis en 431. Je dis bien en 431 qui est de notre époque. En 431. Non, grande est la déesse de. On a dit Marie est la mère de Dieu. C'est sorti là. Il partit à partir de ce moment. Regardez bien, vous allez voir le même cri ici. Chaque fois que vous allez l'avoir présenté, il y aura une population qui crie contre un prophète de Dieu et on décide de servir celle-là. Vous y êtes? Donc on dit que cet orfèvre-là, Démétrius, était un orfèvre. Elle fabriquait en argent des temples pour cette Diane. Elle s'appelle Diane. Voilà pourquoi vos enfants qui ont le nom de Diane, vous ferez mieux de changer. Au sens propre. Vous savez, vous avez le droit de changer les actes de nom. Allez changer. Diane. Voilà pourquoi les filles qui s'appellent Diane vont aller dans la prostitution, la promiscuité sexuelle. Ok, je reviens ici. Ça nous concerne pas. Qu'est-ce qui n'est pas dianisé là-bas? Alors maintenant, cette Diane-ci, on dit que cet homme-là fabriquait des tentes à cette déesse-là. On va expliquer comment elle est venue, où elle habite. On dit qu'il procurait un gain considérable. Quelqu'un dit gain considérable. Gain considérable. Donc on dit qu'il prospérait dans les entreprises. Vous savez, alors cette prospérité qu'ils avaient, venait-elle de Dieu? Le Dieu que nous servons jusqu'à maintenant? Non. Donc, tu vas définir. Toute bénédiction, toute réussite n'existe pas nécessairement sur la source du jour, Seigneur qui a créé les cieux et la terre. D'accord? Continuons la lecture. Verset 25. Il les rassembla. On a parlé de ses ouvriers là-bas au verset 24. Déjà, après le verset 24. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla. Donc ça c'est l'association de tous ceux qui servaient Marie. Vous voyez, par exemple, Ange Raphaël, ils sont là-bas. N'importe où, ils sont là-bas. Il y a des prêtres qui font partie, les prêtres sont nombreux. Ils sont rassemblés. Et regardez ce qui va arriver. Il est rassemblé avec ceux du même métier. Il dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette église. Vous entendez ça? Que leur bien-être dépend de quoi? Exactement ce que les gens ont dit. Les gens qui étaient devant Jésus savaient exactement que s'ils disent non à la vie du ciel, c'est dire non à toutes les bénédictions qu'ils en suivaient. Donc les gens, ils savaient consciemment. En fait, depuis le patron, si vous rentrez ici, Jérémie, vous allez voir ce livre. Les gens là qui étaient dans Jérémie, qu'on a vu aujourd'hui là, ils vont dire que d'abord même, depuis que nous avons servi l'Éternel, n'est-ce pas, c'est toujours les mots qui nous sont arrivés. Quand nous avons servi la reine du ciel, on a eu des peurs pour nous tuer. On a eu de l'eau à boire. On n'essaie pas de dormir comme ça. On a eu de l'eau à boire. N'est-ce pas? Ici, la même chose. Le gars a vu le danger. Il a dit que les gars sont des prêcheurs maintenant comme ça qu'on quitte Marie. Si on quitte Marie, ça se trouve donc qu'il faut fermer des centres mariens. Les avantages des services. Pour fermer les centres des nonnes, vous avez une nonne, quoi. Pour fermer tout cela. Avantage des services. Pour fermer ici. Alors il y a un danger. La chose qu'il faut faire, c'est tuer ces gens de personnes qui ont eu des messages. Parce que c'est ce qu'on appelle la haine du ciel. Apocalypse chapitre 7, la révèle du ciel. Donc c'est elle qui contrôle. Écoutez mes chers amis. Tout est dit nous. C'est elle qui contrôle toutes, je pèse mes mots, toutes les dénominations, parce que c'est elle qui apporte les visions à ces pasteurs qui vous cèdent des amis. Appelez le nom n'importe quoi. À l'instant où vous avez copié de l'Église catholique, c'est elle qui a mis le nom de l'Église catholique. Parce que son sentier. Soyez sérieux n'importe comment. Ça fait apologie. Pourquoi? Première chose, comme dans le monde, c'est que tout ce que Dieu avait à faire est bien écrit dans les films de l'Église. Il n'y a pas eu de révélation. Donc, il dit, notre bien-être, ça veut dire que notre bien-être dépend de cette industrie. Donc, si on accepte ce que Paul en avait dit, on perd tous nos avantages. Là, il faisait les simulacres avec de l'argent, ou bien ici. Aujourd'hui, les gens prennent du sable, achètent du ciment, ou bien de l'eau pour faire ce que vous avez là-bas. Il y a des gens qui font des pères. Alors, fermer dans cela, ça veut dire que les gens qui font les trucs avec la terre, ou bien, comment vous appelez cela? Les gens qui prennent les statues. Il faut qu'ils quittent son travail. C'est son travail qui fait permettre sa maison. Envoie ses enfants à l'école, vous voyez la succession, n'est-ce pas? Donc, toutes personnes qui sont liées à ce lieu, quelle que soit la chaîne, et la personne qui ramasse le sable, le bar national, qui va faire? La personne qui va ramasser le caillou, la personne qui va porter pour aller jouer à l'école, la personne qui va lui mettre les yeux verts avec les petites larmes sur le mari qui pleure. Dis à ton voisin, c'est les associations des voleurs d'âme. Des voleurs d'âme. Donc, il dit donc, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, vous avez vu l'endroit, n'est-ce pas? À Éphèse. Éphèse, c'est la Turquie, ce qu'on appelle la Turquie maintenant. Il dit non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, donc celui le danger. Vous voyez ça maintenant? Vous voyez? Ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mêmes dons sont avec eux. C'est les gens qui me sont, toutes les situations ils sont dieux. C'est Dieu. Et il veut maintenant montrer que celui qui dit que non, c'est pas Dieu. Il dit que c'est qui est dans le désarroi. C'est ça, mais bien là. Ok, regardez bien. Le danger qui en résulte, verset 27, je vais m'arrêter là. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. Vous voyez là? C'est encore le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Donc ils avaient fait un pacte avec la reine du ciel. Elles vont faire des simulacres, comme c'est écrit en bas là-bas, pour la reine du ciel, pour l'honorer. Et en plus, la déesse, la reine du ciel s'assure à ce que les gens avaient acheté. Alors on va voir la croix avec les effigies sur ça. Les barres avec les effigies sur ça. Les boumets avec les effigies sur ça. Les choses qu'on accroche à la maison. Les mariages sur ça. Marie, quand on trouve ça, c'est Jésus. Quand on trouve ça, c'est Marie. Se trouve là-bas, les gens sont en train de la. Vous entrez dans les temples de ces démons-là. Les gens, il y a quelqu'un qui a fait que cela. Qui vend ça là? Alors, face de l'homme, Dieu dit que. Elle est devenue un repère toutes les choses pour Dieu, un peu des démons, toutes sortes. Donc l'Église a donné en réalité, d'après la Bible, c'est le support du diable sur la terre. Je suis en train de vous dire, mais c'est la vérité. Vous ne savez pas. Vous entendez ça après. Elle est venue sur ça particulièrement et je veux que ça soit dans à la radio. Pour que ce soit les gens d'accord sur le gamin. Voilà. Je ne vous discute pas pour le rapport de Paul à Jérémie. D'accord. La même façon, ce n'est pas des mots. Donc, on peut continuer. Ça, c'est le troisième pilier, n'est-ce pas? Chaque fois, il faut qu'il revienne derrière pour que les piliers soient solidement, solidement établis dans votre pensée. Premier pilier, tout ce que Dieu veut pour l'humanité, que Dieu veut qu'on connaisse de lui, est déjà écrit dans les saintes écritures. Et on n'a pas donc besoin d'une révélation extérieure qui pourrait compliquer. D'accord. Il dit tout dans les mettre là-bas, ce n'est que le jalon de l'instruction, on va bientôt arriver à ce qu'on veut faire. Bien, rappelez-moi. Deuxième pilier. Deuxième pilier, on peut y arriver. C'est le deuxième pilier qu'on a fini. Chaque fois que l'humanité, ou toute fois que les hommes vont quitter la voie de Dieu, Dieu suscite ses serviteurs. Et il va toujours susciter ses serviteurs pour faire retourner les gens, pas à la voie. À la voie initiale, telle qu'il avait dit. On d'accord, n'est-ce pas? Troisième pilier. Troisième pilier. Toute bénédiction ou toute réussite n'est-il pas son origine toujours créateur du ciel et de la terre? Je suis d'accord avec vous. Point dernier, maintenant, pour faire sourire. Et alors maintenant, le message est passé. On peut aller avec le quatrième. Quatrième pilier. Toute personne appelée des dieux. Mais tous les gens, pour tous les gens, les hommes ou les femmes que Dieu appelle, ont une place réservée dans un rôle. C'est-à-dire une charge qu'ils sont censés accomplir. D'accord? Toute personne que Dieu appelle, Dieu lui réserve une place dans une charge à faire. Vous voyez, vous voyez là? Et par conséquent, c'est là que Dieu l'attend. Et par conséquent, c'est là, à cette place. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un monte, il descend, il ne pourra jamais être à la place que je suis. Parce que c'est Dieu qui a décidé. Même si je voudrais faire n'importe comment, je ne peux pas quitter ceci. C'est ça qui est bien. Quelqu'un dit prisonnier de Jésus-Christ. Toute personne appelée de Dieu. Tous les hommes, les femmes que Dieu a appelées, Dieu a un rôle pour chacun d'eux. Dieu a il n'appelle personne, c'est pas comme. C'est pas comme le recrutement de l'Union, on dit qu'on veut 1500 plats parce que la fonction publique peut gérer 1500 plats avec voyez, la masse salariale. Et puis, peut-être on fait les négociations, on se trouve à 2000 personnes. 16 autres 500, on va faire comment? Dieu n'est pas comme ça. Tous ceux qu'il appelle, il l'a connu à l'avance. Tous ceux qu'il appelle, Dieu n'appelle pas pour dire qu'est-ce que ceci va faire? Il va marcher ce genre. Non. Il appelle en avance, c'est-à-dire qu'il a préparé ce que tu es censé faire. Et moi, Dieu entre seulement dans cette chose. Donc Dieu, lorsqu'il appelle chacune des personnes à lui, réserve une place dans un rôle, quelque chose à faire par cette personne. Et le plus à souligner, c'est que c'est exactement à cette position que Dieu l'attend. Vous comprenez? Donc, si Dieu, par exemple, dit que tu dois être évangéliste, et là où tu vas évangéliser, c'est à Loum, tourne à Yaoundé comme tu as déjà. Il dit, tourne à Yaoundé comme tu as déjà. Donc il y a des gens comme ça, qui amusent comme ça. Il a fait un chagrin comme ça depuis parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Il s'est dit, Seigneur, vous me prenez pour quoi? Il a fait quelque chose. Mais il va comprendre. Ah. Voilà pourquoi mes chers amis, lorsque vous venez à Christ, la première chose à faire, c'est de poser des questions que la pour la vous. Allez, la faute Paul a posé cette question, il a vu exactement la révélation de ce qu'il avait à faire. Lorsqu'il a vu la révélation de ce qu'il avait à faire, il a commencé à faire ça, ce qu'il avait à faire. Vous comprenez pas? Alors voilà l'embrouille aujourd'hui. Un pasteur sort des centres de formation. Aujourd'hui, vous l'entendez pasteur, pasteur. Demain, vous l'entendez qu'il est devenu docteur. Un temps, maintenant, vous dites que non, il est quitté de pasteur à ancien. Le même pasteur. Un jour, on dit que non, il n'est plus pasteur, il est apôtre. Dans quelle classe de la Bible là que vous allez prendre tout ça? Donc il est apôtre aujourd'hui. Le mec dit non. Il est devenu prophète. Ça ne vient pas de Dieu, mes chers amis. Ça ne vient pas de Dieu de la sainte Bible. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Alors mes bien-aimés, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 18 dit ceci. Vous êtes avec moi? Et Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Donc ce n'est pas ta volonté que tu sois à cette place. Ce n'est pas ta volonté. Vous le saisissez. Le simple, avant même d'entrer dans les choses spirituelles, la nature, le naturel vous montre que vous n'avez pas le choix. Si quelqu'un ici, dans la salle-ci, peut lever son doigt me dire que j'ai décidé de mettre ce garçon au puits. Qui me dit? Vous avez décidé de mettre ce garçon au puits? Non. D'autres encore regardent même pour l'homme, se dit que si tu as naître, c'est que je sais, pouvez faire le choix, il refuse ses corps. Après, c'est comme ça, ça me dit. Donc, même le facteur naissance simple est préparé et prédestiné par Dieu. C'est-à-dire que Dieu a choisi ta famille sans te demander. Ton peuple sans te demander. Ta couleur sans te demander. Ta taille sans te demander. Si tu veux, fasse toi dire c'est un dictateur, même ça il avait dit. Amen. Alors plus qu'on comprend ces choses-là, mes chers amis, vous pouvez en défendre devant vous. Donc tu veux nous détacher parce que si c'est une guerre, quelqu'un là qui contrôle ta vie, ça fait comme une fumée. Si vous comprenez, voilà pourquoi toute modification de votre corps avec les savons carrés, votre lèvre avec le maquillage de la sorcellerie de Mami Wata, c'est une insulte et une atteinte à la souveraineté du Seigneur et des âmes. Vous lui dites qu'il aurait dû faire dans votre bouche, vous savez là où vous devez mettre le bleu sur ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Amen. Vous savez ça, n'est-ce pas? Parce que quand Dieu, déjà ne comprend pas la gravité de la situation, vous voyez, vous mettez la mèche, vous faites comme ça là, parce que vous dites que je suis désolé, il aurait fallu que je naisse dans le peuple où les gens ont le cheveu comme ça. La tête de ce que tu sais. Le pasteur, il est pour la développer. D'accord? Donc, mais regardons, ils ne sont pas passés par là-bas, comment les messieurs. Mais regardons dans cette direction, si les quatre piliers étant touchés, maintenant il perd. Chaque fois qu'on va tourner maintenant dans le message, maintenant vous allez voir que les choses vont mettre les bons. D'accord? Bien-aimés, bonsoir, encore que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous aime dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Et bien plus, j'aime le Seigneur de faire en sorte que votre sentiment ne pourra pas me faire croire que ce soit donc je suis obligé de donner le message. Amen. D'accord? S'il arrive que je donne le message pour me chasser et que je vais dormir dehors, que je dorme dehors, vous dites que, pourtant, j'ignore que c'est la prochaine fois, le balance par la barrière, balance par la barrière. Souvenez-vous, la peau pourrait aller à Éphèse, aller en Phrygie, en Samothrace, en Pamphylie et en Phénicie. Les Juifs les ont chassés. Et là, c'est que j'ai dit que, comme vous jugez indigne d'être éternel, voici ce qu'a ordonné le Seigneur. Nous allons aller chez les païens et recevoir. D'accord? Donc, souvenons-nous de précieuses choses que Dieu nous a données. D'accord, mes bien-aimés? Quelqu'un petit s'est levé, sans regarder sa gueule, et même rappeler les quatre points. Je vais savoir si c'est en vous de l'âme. Remarquez que c'est en train de sortir là maintenant comme ça. Le dernier l'a vu donner ce que Dieu m'a donné un seul passage, pas vrai? Mais regardez Jérémie chapitre 1, verset 1 à 10. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais connu, je t'avais prévu que tu sois prophète. Vous avez remarqué cela? On se dit dans le chapitre 1. L'apôtre Paul, il dit que celui qui m'avait mis là-bas dans le sein maternel, dont l'apôtre était dans le sein maternel, Dieu l'avait appelé apôtre. Il a grandi, il faisait ses petits ans, je fais le mot à Dieu, tout s'est révélé. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Voilà. La Bible déclare donc que ce n'est pas celui, ça ne dépend pas de celui qui veut plus, de celui qui court. Ce n'est pas ça. Si je pars apprendre, je suis brillant, je suis intelligent, j'ai le diplôme théologique, tu vas m'utiliser. Quand tu vas finir, il va penser que remets ça à zéro avant qu'on commence, parce qu'il veut quand tu es vierge. Quand tu vas détruire tes neurones avec le kaolin coagulé comme ça, congeler ta conscience avec les raisonnements. Il faut que le soleil de justice se lève là-bas pour titiller et pour se dissoudre ça. D'accord? Donc puisse le soleil de justice puriser votre conscience, après que toute conscience qui est congelée soit dissoudre. Ok, donc exceptionnellement aujourd'hui, je ne prendrai pas de questions en dehors de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc si quelqu'un me pose une question, que ce soit dans cette liste, ne posez pas une question. Donc exceptionnellement aujourd'hui, je dis que je ne vais pas poser la question sur laquelle je suis bien dans le cours là-bas. D'accord, on a eu le temps d'entrer en détail sur ça ici. Ce n'est pas le moment. Je vais faire ce que le Seigneur m'a ordonné de faire pour aujourd'hui. D'accord? Je dis que vous ne serez pas assez glorieux. Vous êtes en train de prendre part seulement. Souvenez-vous, nous sommes réunis ensemble quelque part, en dehors de ici à maintenant. Nous sommes réunis ensemble quelque part là maintenant. Alors que ces choses ont laissé passer. Parce que le ciel est au courant de ces réunions. Il y a une réunion qui se passe dans le ciel, on y est invité, là, je ne peux pas parler. D'accord? Donc tout ce qui va être dit. Je ne suis pas responsable de ces choses-là. Je suis seulement responsable de l'église. Donc malheureusement, si ça ne sort pas comme c'est prévu. D'accord? Quelqu'un peut me rappeler les quatre points? Ça reste. Oui. Premier point. Tout ce que Dieu veut pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors oui. Deuxième point. À chaque fois, comme vous le dites, Dieu nous a fait à toi. Que ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. C'est biblique, pas vrai? Amen. Allons-y. C'est vrai, n'est-ce pas? Amen. C'est vrai, nous avons vu, c'est pas vrai? Allons-y. Quatrième point. Oui. Quatrième point, c'est ce qu'on a dit. Le quatrième point, c'est ce qu'on a dit. Toute personne appelée de Dieu a une place. Et là où Dieu l'attend, pas vrai? Amen. Regardez là, d'accord? Laissez la tête, on va plus. Père très saint, alors que les fondations de ce message sont posées et posées par ton esprit, je prie, Père de gloire, que tu nous apportes la grâce de comprendre exactement ce que tu veux que nous fassions maintenant. Je prie, Père de gloire, que tu amènes les enfants ici. Nous sommes venus nombreux dans cette salle, plein, archi plein, Père. Pour écouter ce que tu as préparé. Donne-moi cette nourriture. Puisse, ô Dieu de gloire, des sources d'eau qui jaillent de ton corps, pourrir dans le cœur et se nettoyer et abonder dans nos vies. Que ton nom se soit glorifié et révélé dans les cœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons mon âme. On va commencer à lire. Je recommande la question que vous posez. Si vous posez une question qui est liée, c'est le Seigneur. Vous aimez le Seigneur Jésus. Si il veut voir maintenant, s'il n'y a pas de traite aussi au milieu. Celui qui aime le Seigneur, il lève la main droite, je vais surveiller. N'essaie pas de dire, il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, quittez les maudits, il n'a besoin d'être au milieu. Donc c'est seulement pour ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Donc à 100%, si nous sommes 300 ici, 300 personnes, ça veut dire que tout le monde aime le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça? Amen. Donc vous tous aimez le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et comment ça va? Vous m'aimez? Amen. Ok. Vous aimez sa parole? Amen. Ok. Comment ça se fait les paroles, n'est-ce pas? Absolument, c'est pour ça que je suis retenu la vérité, frère. Frère, je t'aime. D'accord? Donc je t'aime. Et comme je t'aime, je suis obligé de te dire la vérité. Donc même si le coup d'Allah il dérange. Non, tu me déranges. Amen. Donc c'est la fois aussi que tu le montres. Mais attendons que la fois que tu es là. Ok. Jean 14, verset 20 et 21 dit ceci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jésus a dit ça. Jean 14, verset 20 et 21 dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est-à-dire que il y a une preuve d'amour. Il y a quelque chose qui prouve que tu aimes. Il y a quelque chose qui doit être fait pour qu'on sache que tu aimes. Il y a une preuve de l'amour. Donc l'amour, c'est fou. Vous y êtes? Il dit que si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Si quelqu'un ne m'aime pas, il ne gardera pas ma parole. C'est ce que je dis à lui, n'est-ce pas? Ok. Gardons ceci à l'esprit. Vous venez pour la fondation, surtout dans un territoire qu'on ne peut pas dévoiler. D'accord? Ok. Jésus, venant sur la terre, a choisi ses apôtres à lui. Il a décidé de les choisir parce qu'il avait une mission à accomplir. On est d'accord? La grande partie de cette mission a été accomplie par lui sur la terre. Et le sommet de cela a été à la croix lorsqu'il a résolu le problème des péchés à la croix. N'est-ce pas? Alors, lorsqu'il a résolu le problème du péché à la croix, il pouvait donc manifester les desseins éternels du Père du ciel et de la terre, qui était celui de réunir toutes choses en Christ. Et ça, c'est au travers de son épouse qu'on appelle l'Église. Donc, le résultat, le trophée de la croix, c'est l'Église, l'épouse du Seigneur. Le trophée de la croix, c'est l'épouse du Seigneur, n'est-ce pas? Ok. Pendant sa mission de quelques années sur la terre, où il a vécu parmi les mortels, Jésus a sait choisir des gens et il leur a donné des occupations claires. En quittant la scène, il a commencé à se révéler doucement. Le but de sa mission, il devait venir mourir. Arrivé quelque part dans Matthieu chapitre 16, le verset 17, il va dire exactement pourquoi il est là. Il dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour de mon ne prévaudront point contre elle. Donc jusqu'à Matthieu chapitre 1, jusqu'au chapitre 15 et demi, les gens étaient là, ils le suivaient seulement comme le bouc, ils ne savaient même pas ce qu'il est arrivé. Là, il a dit clairement ce qu'il va faire. Je bâtirai mon église, ecclésia. Les êtres humains qui sont appelés de par le païen, par tout le monde entier, forment un seul corps dans l'esprit du Seigneur. Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Ça n'a rien à voir avec le pape là. On dit que le pape, il est bâti sur le monde. Si, c'est pas ça dont je vais parler. Que je suis qui est bâti sur toi. C'est pas ça qu'on peut parler. Je parle du corps mystique de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'ensemble de tous les croyants, depuis la première Pentecôte, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, je ne sais pas, prendre l'église. Tous ceux qui sont baptisés de son esprit. D'accord? Alors ils ont dit, ces personnes-là qui vont se choisir pour commencer à mettre dans les jalons afin que l'Église soit manifeste et que la Bible arrive à nous aujourd'hui. Ces personnes, chacun avec son rôle selon le quatrième pilier. D'accord? Oui. Chapitre 28 de Matthieu, au chapitre 28 de Matthieu, le verset 20, il va leur dire, allez et faites des nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis il va donner une chose qu'il va falloir qu'on souligne maintenant dans notre intelligence, dans notre esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus a dit ça? Autrement dit, aucun enseignement des disciples n'est venu d'eux-mêmes. Autrement dit, aucun enseignement des disciples, nous verrons dans la Bible, n'est venu d'eux-mêmes. Il y a des choses que Jésus a dit quand il était dans la chair, dont le Saint-Esprit a donné la révélation profonde, et l'autre qui est venu après la mort et la résurrection dit aux gens que l'Esprit existe. L'apôtre Paul, par exemple, n'a pas marché avec Jésus physiquement. Mais quand Jésus-Christ est mort, il s'est présenté à lui, il dit que je me suis présenté à toi pour te dire les choses que tu as entendues, les autres choses pour lesquelles je t'apparaîtrais. Vous entendez? Alors quand il va écrire dans Actes des Apôtres, dans tous les autres, il va dire que en disant cela, vous pouvez savoir la profondeur, le mystère que j'ai, la sagesse que j'ai du mystère des dieux. Donc il s'est assis avec Jésus, Jésus lui a parlé face à face. Il a écrit la révélation. Autrement dit, aucune écriture venant des apôtres qui étaient là ne venait d'eux-mêmes. C'était ordonné, poussé par le Saint-Esprit. Et si c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu que nous poussons. Parce que Jésus-Christ a dit que quand il ne serait plus là, enseignez à mes disciples, ceux qui sont mes disciples, ceux qui m'aiment là, enseignez-leur à observer ce que j'ai prescrit. Vous y êtes, n'est-ce pas? Je commence à vous aimer le Seigneur Jésus. Pourquoi lire ces paroles? Ces paroles sont troublantes. Ces paroles sont troublantes. Mais souvenez-vous, le deuxième pilier, chaque fois qu'on a ce degré de la voix de Dieu, il va toujours veiller. D'accord, bien. Donc on a une soixantaine de passages à lire maintenant. 60 peut-être 90. À lire là maintenant. Dans ce Matthieu chapitre 20, le verset 28 et 20, il dit enseignez-leur. Donc le but des disciples que Jésus a choisi et l'a positionné, c'est que les disciples sont devant de lui. Ils doivent enseigner ce que Jésus a prescrit, pas autre chose. Ils doivent enseigner ce que Jésus a ordonné d'enseigner. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien qu'un pasteur se tient là-bas. C'est pas des pasteurs. D'accord? Je vais utiliser le terme pasteur pour que vous puissiez comprendre ce que j'en ai dit parce que je connais exactement de quoi il est question. Parce que toute personne venant de Dieu va dire les paroles de Dieu. Toute personne venant de Dieu va dire les paroles de Dieu. Si quelqu'un dit une autre parole, il ne vient pas de Dieu. Dieu ne le connaît pas en tant que son serviteur. D'accord? Ok, maintenant. Alors, dans ce Jérémie 23, il a dit s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre à mon peuple mes paroles pour les délivrer de leur voix. Donc, ça n'est pas. Ok. Donc, ce que Dieu a dit, les disciples doivent l'enseigner. Qu'ils le veuillent ou pas, quand Jérémie était devant ces gens, c'était tous ceux qui faisaient la race du ciel. Jérémie n'avait pas le choix, il devait suivre la parole de l'Éternel. Qui t'a fait d'accepter ou bien de rejeter. D'accord? Ok. Maintenant, de l'autre côté, certaines personnes vont dire. Moi, je ne pense pas que telle chose est importante. Dis à ton pasteur, si ton pasteur dit ça, Dieu ne le connaît même pas. Dieu ne le connaît même pas. Et Dieu n'attend pas, Dieu n'attend pas à ce que quelqu'un donne son avis par rapport à ce qu'il écrit. Donc, ce n'est pas un livre de raisonnement. Ce n'est pas un livre de raisonnement. Ni un livre de philosophie. Ni un livre de philosophie. C'est la dictature de Dieu sur l'humanité. C'est la dictature de Dieu sur l'humanité. Alors, les amis, évidemment, tu peux comme on dit, tu peux la mort. Alléluia. Alors, quand le pasteur dit, non, les bijoux, les pantalons, je ne vois pas de mal à cela. Ce n'est pas lui qui est vrai. Il lui faut la délivrance. C'est un fils d'Aka, divisé en âge. Ce n'est pas parce que Dieu lui a dit une chose. Alors, s'il y a 6 au compte, mais tu vas savoir de quoi il est question. D'accord? Disons donc, Actes des Apôtres, bien aimé, je me sens vraiment la menace, comme Jésus le dit. Actes des Apôtres, dites seulement Amen, seulement jusqu'à la fin de ce soir, si on va voir. Dites seulement Amen toujours. Par réflexe, on le dit toujours. Quand j'ai fini, que je dis toujours Amen. Je dis que c'est un toujours, je dis toujours Amen. Avançons, on y va. Actes chapitre 1, on va lire la tout. Actes des Apôtres, chapitre 1. Le fait que vivre pour vous qui est nouveau, ce n'est pas conventionnel. Donc, vous, peut-être vous êtes habitué d'aller à l'endroit où on va faire la liturgie 30 minutes, verser dans le nom, plus de 45 minutes, l'esprit ne peut pas t'aider. Mais mon cher ami, moi je vais prêcher sur ce qui est sur moi. Amen. C'est ce que la Bible déclare. Donc, souvent on va prêcher sur le temps de prédication, d'accord? Donc, c'est très fort que les rituels, avant que tu gâtes notamment les rituels, les rituels ne sont pas Dieu. Dieu. Quand Dieu nous convoque, il décide du temps. Il décide du moment où ça doit s'arrêter. D'accord, mes chers amis, c'est comme ça que Dieu fait. Donc, si tu mets un livre, ça commence à. C'est votre truc là commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? Si la personne ne vient même pas, d'accord? Ne pensez pas déjà. D'accord? Ne pensez pas. Si quelqu'un a son anniversaire qui part, son baptême et son remariage, qu'il y va. D'accord? Céleste, nous pourrons verser plus. Acte chapitre 3, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas le nombre ne me pressionne pas. C'est ce que le message sort. Vous l'admettez ou non, c'est plein. C'est plein. Dieu va dire cela et les gens vont à s'accrocher sur ça d'ailleurs. Mais vous allez les prémices. Vous allez les remarquer toutes les prémices. Bien aimé, faites attention parce que je suis au milieu de vous. Faites seulement attention. Je suis là de vous trembler parce que le moment viendra où il devrait être. Vous avez les bases nécessaires à ce que je puisse quitter maintenant avec les autres parce que les gens vraiment en ont besoin. Donc, profitons-en, nourrissons-nous, d'accord, mes bien-aimés, nourrissons-nous. Ok, Acte chapitre 1, je vais lire. Vous dites avec moi, Théophile. J'ai parlé dans mon prédiction à Dieu. On va lire comme ça jusqu'à ce que. Au chapitre 6 jusqu'à 1, verset, d'accord. Donc si vous n'avez pas voulu la Bible 4 minutes, je sais que certains vont bailler, on va lire le premier verset. D'autres vont faire. Vous allez bailler les démons avant ça. On avance. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Vous voyez là, n'est-ce pas? Frère, les quatre piliers, là, gardez, vous allez rembourser dans tout ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord? Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume. Quand il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et quand ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est littéralement que Marie avait les enfants en dehors de Jésus. Voilà ce que c'est la Bible. En ces jours-là, verset 15, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 100 et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu

nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que tu fasses de tes ennemis ton marché. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur de Christ et Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché pour dire à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, repérons-nous. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il est conjuré en disant, il est conjuré et l'exécutait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole, à partir d'ici maintenant, jusqu'au chapitre 6, prêtons attention parce que les choses sur lesquelles nous allons nous étaler, c'est tout continuer là-dedans. Et dans tous les autres actes des apôtres. D'accord? Donc, puisque nous avons dit ici dès le départ, suivez ici attentivement, nous avons dit ici dès le départ que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 17, que je bâtirai mon église. Voici donc la naissance de l'église, on en a parlé. Donc, les premiers piliers, on en a dit à ces premiers piliers-là que si vous acceptez le Seigneur Jésus, vous vous repentez, comme on l'a dit là, le problème est aussi pour vous. Donc, vous allez être intégré dans le même corps. Vous êtes là? Vous êtes là? Alors donc, c'est ce corps donc qui nous intéresse. C'est le fonctionnement de ce corps qui nous intéresse. Comment ils ont marché? C'est ça qui nous intéresse. Donc, on va prendre l'un des aspects de ce corps, c'est soyons, on va étudier, on va voir si nous y marchons. Souvenez-vous, c'est la naissance. Souvenez-vous de plus. Si on a quitté la voie, on va seulement y... Si on a quitté une voie, on doit seulement revenir à cette même... Voilà. Ok, maintenant, verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 ans. Ils persévéraient, 1. Dans l'enseignement des apôtres. 2. Dans la communion fraternelle. Souvenez communion fraternelle. Donc les versets, chaque fois qu'un verset stop sur un verset, vous pouvez le noter de côté parce que ce sont les bases de notre travail. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et de la communion. Communion fraternelle. Quatre choses sont nommées. J'ai dit que nous allons entrer dans l'église maintenant pour voir le fonctionnement. On va prendre un des aspects de ce fonctionnement parce qu'il y en a tellement. Je ne suffirai pas pour prendre seulement deux. Je devais prendre un des aspects. On va voir parce que c'est sur ça que je pose. D'accord? Vous êtes d'accord pour moi? Ok. Verset 43. La crainte s'emparant. Ne perdez pas le film maintenant. Ne soyez vraiment pas distraits parce qu'on a été touché vraiment sur pourquoi nous sommes ici. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, souvenez, dans le même lieu. Verset suivant. Et ils avaient tout en commun. Souvenez ça. Vous voyez? Tous ceux qui croyaient étaient tous dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Il dit bien souligner ces versets. Si vous avez souligné en bleu, mettez le rouge, si vous avez vu, mettez le vert, si vous avez le vert, mettez le noir. D'accord? Donc, le verset 44 nous intéresse, n'est-ce pas? Ok. Regardez bien encore. Verset 45. Ils vendaient leur propriété et leurs biens. Encadrez cela. Ok, maintenant. Le verset 45 nous dit exactement ce sur quoi on va travailler. Exactement ce qu'on va parler maintenant. Ils vendaient leur propriété. Vous avez dit que vous aimez Jésus, n'est-ce pas? Amen. Vous avez dit que vous aimez Jésus? Amen. Ok. Le nombre d'amen comment a diminué? Vous avez dit que vous aimez Jésus? Amen. Voilà. Mes chers amis, je vais vous bombarder en esprit. Vous allez certainement regarder avec la chair. Donc maintenant, c'est cher esprit, mais dans le combat sera rude. Je recommence encore. Maintenant, c'est le combat spirituel au charnel. Ou carnelo spirituel. Je ne sais pas dans quel sens vous voulez. Maintenant, on va bagarrer. Ils vendaient quoi? Et leur... Avançons. Et ils en partageaient le produit entre pour souligner. Selon les bénéfices. Après, l'église est allée si loin qu'il fallait ce moment pour que je puisse la ramener. L'église est allée si loin qu'il fallait seulement ce moment pour que je puisse la ramener. Dieu est assez puissant. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à ma chapitre 16. Je bâtirai mon église. Donc les briques, les choix, les différentes pierres d'édifice, c'est lui qui le fait. On y vient pas par inscription sur une liste. Commandez. Inscrivez votre liste. Soyez amis proches du pasteur. Dormez même sur son lit. Ça ne sert à rien. C'est Christ qui bâtit son église. Dit que j'ai mangé avec le prophète dans une même assiette. Il m'a donné la liste de la bouche. Ça ne sert absolument à rien. On ne négocie pas pour ajouter pour que quelqu'un dans le corps. C'est lui qui bâtit son église. C'est terrible. C'est fracassant. C'est-à-dire que si je n'ai pas de possibilité, même s'il voit la porte ouverte, de vous faire entrer dans l'église. C'est lui qui choisit. Venez-vous. Il y a une place réservée à chacun. C'est Jésus qui les a réservés. C'est l'espoir. Alors, grande est notre joie de rester ici aujourd'hui en sa présence et de faire ce qu'il a commandé. De commencer à prêcher sur ce pour quand il revient. Bien. Ok. Amen, c'est bon jusqu'à la fin. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Vous soulignez, ils rompaient le pain dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Vous dites, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient. Chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Bête. Et il demanda le monde à ceux qui rentraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les regards, les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Arrêtez ça. Arrêtez ça dans le même petit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le nom. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, et que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes guéris. C'est par la foi en son nom que son nom a rajeuni celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps des rafraîchissements vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Vous y êtes, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit,

Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre celui qui se laissait. L'Église a basculé à des milliers de kilomètres de la voie initiale que Dieu a choisie. Mais je recommence encore verset 1. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Mais tout était commun entre eux. L'Église est pour tous mes chers amis. L'Église est pour les fondations que nous avons aujourd'hui là, les choses que nous suivons, les prescriptions que nous vivons dans les églises aujourd'hui, nous, est-ce que nous les avons prises? Puisque nous avons compris ce premier pilier, que tout ce que Dieu a pour nous, il est accompagné dans la. Les façons de faire. Jésus n'a pas laissé les gens dans l'obscurité tant qu'il a pris pour faire par rapport à cette église, c'est pas vrai? Alors nous sommes en train de imaginer que nous sommes dans l'apostasie. Voilà pourquoi Dieu a demandé qu'on le prend. Point par point. Quand ça va être exactement tel que le prix vient. À d'autres personnes, chaque personne l'a assigné. C'est ma tâche qu'il a assigné. D'accord? Ok, maintenant, mais c'est tendu encore de lui. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Mais tout était commun. Tout était commun entre eux. Entre qui? Entre les chrétiens. Donc ceux qui avaient cru, personne ne disait que le bien c'est mon bien. Vous entendez ça, mes chers amis? Demande ton voisin, où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Bien-aimé, si vous pouvez savoir ce qui se passe sur le cœur du Seigneur par rapport à ce que nous sommes. On a totalement désobéi les ordres du Seigneur et désobéi les enseignements des apôtres tels que c'est écrit. On est la multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Regardez au chapitre 4, là on a dit, on a dit que lorsque on a battu qu'ils sont allés vers les mers pour porter le résultat là-bas. Parce qu'on a tapé son Dieu à cause des guérisons qu'ils ont fait. Qu'ils sont rentrés, ils ont dit. Ils n'ont pas dit créons l'association maintenant pour aller nous venger. Allons défiler maintenant voilà pour Jésus. Prison de Paris, on a pris Jérusalem Tom. Comme Jérusalem Tom, c'est pas comme ça, c'est pas spirituel, c'est charnel ça. Ils sont mis là, ils ont prié, Seigneur, c'est toi, c'est ton œuvre. C'est toi qui nous as choisi. Donne-nous la puissance pour aller témoigner avec assurance. Quand ils ont prié, vous êtes travaillé par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Voilà le Seigneur. L'amour solide. L'amour solide et inébranlable. C'est le secret de l'église primitive. Souvenez-vous, dans l'un des enseignements, quand on faisait la conférence en 2000, vous avez dit que les graines de maïs comme cinq graines de pas. Quel qu'en soit les péripéties, ça va grandir, ça va devenir vert. C'est pas ça que c'est pas le but là-bas. Le temps va sortir, une tige va sortir vert. Oui, ça fait partie du maïs, mais c'est pas le maïs. Le but là, c'est les pics qui vont sortir. Lorsqu'on ouvre comme ça, on voit ce qu'on avait semé là-bas. Vous entendez pas? Le secret de l'église primitive, c'est l'amour inébranlable, cette solidification par l'amour. Parce que l'esprit dit que la charité, c'est le lien de la perfection. C'est-à-dire que tu touches un membre. Donc la multitude qui avait cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Un seul cœur et une seule âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Mais tous étaient communs entre eux. Tous étaient communs entre eux. Personne n'osait dire. Vous avez dit que le Père va venir, qui va devoir rentrer. Personne n'osait dire que ceci était ma part. Alors mes chers amis, où est-ce que les chrétiens nous? C'est-à-dire qu'il faut qu'on repense encore nos fondations. Parce que notre fondation n'est pas basée sur la Bible. Alors par conséquent, mettons maintenant une pause ici en regardant ce qui est arrivé. Regardons ce qui est arrivé. Il va aller doucement maintenant, avant qu'on ne prenne une pause, d'accord? Dans l'enseignement sur les dîmes, vous avez remarqué que quand j'ai enseigné sur les différents types de dîmes, vers la fin, je vous ai dit annoncer que on va parler maintenant des principes qui gouvernent les chrétiens, que c'est dans un autre enseignement. N'est-ce pas? Amen. Le temps n'est pas. Voici le moment. C'est-à-dire, après avoir, je vous avais dit cet enseignement, si vous n'avez pas cet enseignement, suivez méthodiquement et littéralement cet enseignement pour comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Lorsqu'on dit aux gens qu'on ne paye pas les dîmes, les gens disent ouh. Les pasteurs vont changer. Alors, conséquent, quand tu rencontres le pasteur dehors, tu prends la dîme ou tu ne prends pas la dîme. Il dit qu'il ne prend pas la dîme, je ne suis pas avec toi. Avant pas que tu me donnes le poulain, il dit que le poulain n'est pas avec toi. Comment ça se dit? Pas comme ça. Écoutez, c'est toute la Bible qui doit être prêchée. il n'y a pas de débat là-dessus. Dans la Bible, ce n'est écrit nulle part que les chrétiens doivent, ce n'est écrit nulle part que les chrétiens doivent payer la dîme. Il n'y a pas de base structurelle que les chrétiens doivent le payer. Vous y êtes? Ok. Maintenant, dans cet enseignement, si vous l'avez suivi, bien aimé, c'est quelque chose de façon qu'on fait. Moi, je m'assois à la maison. Ceux qui viennent se voir à la maison le voient. Je mets moi, je m'assois encore avec la Bible à côté de moi pour écouter ce que vous avez dit. J'écoute, j'écoute, je suis béni, je prends les mots, je lis, j'écoute les enseignements qui sont sortis de cette bouche-ci. J'écoute, j'écoute. Alors quand j'écoutais cet enseignement, j'ai entendu, il a été dit quelque part, que lorsqu'on dit qu'on ne paie pas la dîme, vous croyez que c'est fini votre délivrance. C'est là où vos vrais problèmes commencent. Vous vous souvenez ça? Alors, quand on a dit qu'on ne paie pas la dîme, que fais-tu de ton bien? Demande à quelqu'un. Demande à quelqu'un que tu fais quoi de tes biens? On va répondre à cette question pour sortir parce que c'est la fondation, c'est là où l'Église en est là. Nous prions, donne-nous l'esprit. Donne-nous l'esprit. Si Dieu ne révèle pas la cause, vous allez prier comme ça là pendant 70 ans, comme les Juifs ont jeûné pendant 5 mois, pendant le 7e mois, le 7e mois, pendant 70 ans, ils ont jeûné. Un jour, un prophète venu dire, il dit, pardon, demande à Dieu. Il dit, mais vous avez jeûné 5 mois, le 7e mois et le 5e mois. C'est pendant 70 ans. Jeûnez pour moi. Ils ont passé 70 années à jeûner. 70 années à jeûner. Donc j'ai jeûné pendant 5 mois. Ils jeûnent 5 mois, le 7e mois. Pendant pas 7 jours, pas 70 jours. 70 années. Je n'ai pour rien. Parce qu'ils étaient l'Église est en train de fonctionner sous un autre coupe. La coupe de la reine du ciel. Alors maintenant, mes chers amis, voilà ce que vous allez observer. Voilà ce que vous allez observer dans votre assemblée. Dans certaines assemblées maintenant, lorsque le culte se passe, il y a un panier bien orné où le jumeau, les gens viennent, ils ont tapé nez. J'ai la joie dans mon cœur, même quand tu n'as pas la joie dans ton cœur, tu n'as pas la joie. Parce qu'il y a quelqu'un dans les rangs qui vont me dire taper comme ça que passe. Parce que tu es obligé, avec tes 5 francs que tu as gardés, pour aller mettre pas vrai, quelqu'un dit passe, non. Ça doit cesser. Parce que ça, c'est tout pas dans la Bible. Prenez-vous de ceci. Donc, si vous fâchez, que votre père partait sur votre problème, d'accord, vous n'avez rien à cirer. Je veux parler d'abord de mon père. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Toute pratique, si on dit qu'on veut servir le Dieu de la Bible, on doit servir à la manière qui est la Bible. Si ça ne se trouve pas dans la Bible, on met ça des côtés. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. C'est le pilier qu'on a mis aujourd'hui. C'est le pilier qu'on a mis aujourd'hui. On est d'accord, n'est pas? Alors, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il a donné les instructions claires. Il a dit, enseignez, observez tout ce que je vous ai prescrit. N'est-ce pas? L'apôtre Paul est l'un des artisans à qui Dieu a donné la révélation du mystère de l'église. Frère, dans Actes chapitre 20, mes chers amis, vous pouvez commencer à les prendre, vous pouvez les ramasser comme vous voulez les ramasser. Dans Actes chapitre 20, lorsqu'il voulait quitter la scène, il appelait les disciples, les anciens, il leur a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Donc tout ce que Dieu avait décidé pour vous, je vous ai dit, c'est terminé, c'est définitif, c'est total. Donc rien ne doit y être ajouté. L'apôtre Paul a dit que c'était bêtise. Amen. Vraiment, hein? Non. Ça a été réflexe là. Mais aussi pour calmer les agents. Une autre chose, il dit qu'on a que stop à ton histoire. Ok. L'apôtre Paul dit, je suis plus de. Il veut dire, aujourd'hui là, mon service est fini devant vous. Dieu l'a choisi. Il lui a dit que dis ceci à l'église. Il a dit, dis ceci à l'église. Prescris ceci. Prescris ceci. Prescris ceci. Alors par exemple, pour l'enseignement des femmes, qui enseignent là. Après, on va dire que les femmes ne doivent pas enseigner, doivent se taire. Les femmes ne doivent pas parler dans les assemblées. Au verset 37, il dit que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que c'est un commandement du Seigneur. S'il l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu, donc Dieu ne le connaît pas. Donc Dieu a dit à l'apôtre Paul que écrit que dans toutes les églises, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Parce que c'est martien qui prend une femme pour parler dans l'église. Dans l'église. C'est un commandement du Seigneur. Et nous avons dit aujourd'hui que nous aimons le Seigneur, pas vrai? Il a dit, quiconque l'aime garde ce commandement. Nous sommes en train de servir qui depuis plus de 2000 ans? Jésus-Christ. C'est lui que nous servons. Nous sommes en milieu de pensée, nous sommes dans l'apostasie. On a reculé les bornes de l'église. Reculé les bornes de l'église. Reculé les bornes de l'église jusqu'à s'éloigner totalement de l'unique autorité qui a accédé aux frères. Alors lorsqu'on prêche, on ne vient que là-dedans pour prendre certains titres de sermon pour donner et puis on a avec du philosophie humaine. Pas la prédication de la foi. Alors, restons dans le cas qui nous était parce que là maintenant c'est grave là-dedans maintenant. Lorsque les jeunes filles viennent dans les solennités, on annonce avec les musiques. Pour d'autres encore, il y a des jeunes filles là-bas avec les fesses derrière, on dit toi, les mecs ici, les mouches à l'air comme ça, ils écrivent comme le joujou, toi. Mon frère donne. On peut passer la caisse devant tes yeux comme ça que donne. Si il regarde comme ça, même le grec lui-même qui regarde comme ça, c'est toi qui sors ce que tu as dans la poche pour mettre là-dedans pour quelqu'un qui est devant toi. Ça sort de quelqu'un qui Babylone. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on s'est éloigné de Dieu. C'est-à-dire ceci, mes chers amis. C'est-à-dire ceci. L'église catholique est la première institution religieuse moderne sur la terre qui a envahi la terre avec ses tentacules. La façon de l'église catholique de fonctionner, toutes les autres personnes qui sont sorties ont commencé à copier là-bas sans arrêt dans l'original. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur référence sur une fausse route, sur un faux point de départ. Le point de départ était pipé, le dé était pipé dès le départ, c'était biaisé. Ils ne sont pas allés sur la route où Jésus-Christ est le roc. Chaque fois quand quelqu'un va tomber au travers de la parole, la seule façon de faire ce qui est corrigé, c'est de dire que la parole dit, pas ce que les hommes ont dit. Amen. Vous cessez, n'est-ce pas? Amen. Vous cessez, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de parler de Thomas d'Aquin, de Augustin, de ce qu'ils étaient. Je n'ai pas le temps de parler des docteurs, les pères qui ont pris la naissance de l'église catholique, les franciscains avec les dominicains qui discutaient à l'université de Paris. Je n'ai pas le temps de parler de cela. Je vais parler de ce qui nous intéresse maintenant parce que l'église en a besoin de ceci. D'accord, mes chers amis? Ok. Maintenant, lorsque les autres sortent de l'église catholique, les pentecôtistes vont sortir. Je vais parler des pentecôtistes et des églises levées. C'est grave. Pour les églises levées, c'est encore plus grave que les catholiques. Vous voulez que je prouve? Amen. J'ai entre mes mains deux amis. Je vais dire. Voici, chez les pentecôtistes, voilà comment ça se passe. Vous entrez quelque part, quelqu'un vous tend l'enveloppe. Vous tend l'enveloppe. On vous matraque d'abord le cerveau que donne. Dieu aime celui qui donne gentiment. Toi, tu es là, tu vas manger depuis deux jours. Les femmes, viens ton bâtiment, vous les femmes là. Oui, les femmes là. Les femmes vont prêter l'argent dans les réunions. On ne peut pas dire qu'à les réunions, on est là. Dans les réunions, prennent la nourriture de leurs enfants. Les nourritures, coupent l'argent sur sa réunion de cotisation, vous mettez pas le nouveau pasteur. Et ils croient qu'en donnant comme ça, donc à Dieu. Dieu ne connaît pas ça parce que ce n'est pas la fondation de l'église. Alors un pasteur s'est levé, je vais te donner ça parce que quand il a donné son enveloppe, il voulait dévoiler son identité. Si son enveloppe, par exemple, va le cacher. Je vais prendre ceci maintenant. Voilà ça, dîme prophétique pour déclencher ma bénédiction. Mes chers amis, c'est étranger à la Bible que vous avez devant vous. Voilà ça, dîme prophétique pour déclencher ma bénédiction. Il met deux versets ça, qui n'ont rien à voir. Il n'y a pas de dîme prophétique dans la Bible. Quand il donne l'enveloppe comme ça, vous pouvez mettre un doigt de banane ici dedans. Vous pouvez mettre le poulet ici. Vous pouvez mettre du riz ici. Quand il met comme ça, qu'est-ce qui vous oblige à dire, à faire? Quelqu'un dit maman. Vous voyez ce que les pasteurs font, n'est-ce pas? Alors, pour que ça ne parle pas à une autre personne, pour que quand tu parles à la maison, tu n'oublies pas la personne à qui tu as pris cette enveloppe, parce qu'il se bloque, tu mélanges ça avec d'autres enveloppes. Il précise le destinataire. Prophète, Younan, téléphone 79, c'est pas là, c'est 80, 33, 00. Je dis ceci parce que c'est arrêté, pour que ces cassettes soient distribuées comme ça, parce que le Seigneur les appelle à la repentance, parce que le Seigneur va frapper. Le Seigneur appelle ces personnes à la repentance. Ceux qui ne sont pas appelés, qui font ces choses-ci, qui sont en train de dépouiller le peuple pour manger, ils vont rendre compte au Dieu Tout-Puissant. Parce que les gens en souffrent. On a cru maintenant que les bénédictions de Dieu, on achète plutôt. Que si tu ne donnes pas tellement l'argent, tu ne pourras pas avoir la guérison. C'est cet argent dans l'église qui a diminué la puissance du Saint-Esprit dans l'église. Ainsi dit l'Esprit. Amen. Dans Apocalypse chapitre 3, il a dit de la Odyssée, parce que tu dis que tu es riche, c'est pour ça que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est ce qu'il a dit. C'est la richesse qui crée des problèmes. C'est la richesse qui crée obstacle pour la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Voilà ce que les gens font. Alors quand tu vas venir maintenant, tu dis que donne ta dîme, Dieu va te toucher maintenant. Alors tu donnes en espérant que quoi? Que Dieu te touche. Mes chers amis, les dons spirituels sont absolument gratuits. Dis absolument gratuits. Absolument gratuits. Accessibles par la foi. Accessibles par la foi. Voilà ça. Voilà le pentecôtisme. Les catholiques n'ont rien à voir avec ceci. Les catholiques tournent un peu comme ça, ils prennent l'argent d'une autre façon. De toute façon, la reine du ciel, sous ses verres là-bas, la reine du ciel vous oblige à donner l'argent. C'est pour ça que les gens qui travaillent, vous ne devez pas les grosses voitures, ils ne peuvent pas donner les sommes là-bas. Les requisitions ne peuvent pas donner les sommes là-bas. C'est-à-dire que l'argent tourne dans le circuit. Les requisitions servent la reine du ciel. Ils viennent donner l'argent pour vous nourrir là-bas. Alors quand les gens vont aller, c'est que nous nous nourrissons dans les pays. Babylone. Ils sont droit sur le chemin de l'enfer en train d'aller frais. Et les pentecôtistes sont derrière en parlant en anglais. Ils sont des catholiques pour aller en enfer. D'autres maintenant plus intelligents savent que Dieu n'aime pas ceci. Vous savez ce qu'ils font? Ils organisent séminaire sur séminaire. Séminaire sur séminaire. Séminaire sur le mariage. En venant sexy parce que vous ne pouvez pas savoir où vous pouvez trouver votre mariage sur place. C'est l'église de Dieu, ça, mes chers amis. Non. Séminaire sur la pauvreté, comment être riche. Séminaire sur le leadership, comment s'aimer dans le royaume de Dieu. Séminaire sur ceci. Et chaque séminaire est payé. Dieu m'a dit, observe ce qu'ils font. ils vont détruire mon peuple. Ils savent que si vous leur dites que le dîme ne paie pas les pasteurs, c'est pour ça que les pasteurs nous détestent. Parce qu'on dit comme ça, ils disent que frère, quand tu dis comme ça, on mange quoi? Donc il est venu chez Dieu pour manger. Donc il est... la Bible déclare dans 1 Timothée 6 que beaucoup de personnes croient que servir Dieu est une source de gain. Il dit en effet une grande source de gain pour ceux qui savent vivre dans le contentement. C'est-à-dire que tu te contentes de ce que tu as. Vous entendez ça? Donc les gens ont laissé la Bible de côté, certaines personnes, on vous fait croire si vous ne pouvez pas croire. Écoutez encore très bien ceci. Le Dieu que je sers, vous ne pouvez pas le corrompre. Le Dieu que je sers, vous n'avez aucune richesse pour lui donner parce que c'est lui qui le donne sur la terre. Vous n'avez aucune chose à donner à Dieu pour que Dieu vous donne quoi que ce soit. Voilà pourquoi dans Matthieu, il a dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Point final. Donc si quelqu'un prie pour toi, après, il dit que donne l'argent. C'est un marabout. Son onction n'est pas de Dieu. Parce que s'il prend son onction de Dieu, il ne prendra pas l'argent pour cela. Parce que c'est la malédiction qui est attachée. Vous entendez cela, n'est-ce pas? Amen. Si, si, si. Voici un deuxième. Celui-ci a honnête à pas pourquoi tu fais n'importe comment, tu donnes seulement. Il a numéroté ses enveloppes pour être sûr que le nombre d'enveloppes qui sont sorties, le nombre va rentrer. L'enveloppe qui me tient devant moi, c'est l'enveloppe numéro 73. Je ne manque pas de faire, c'est devant toi. Je reste tranquille à la maison, ça va me trouver. Donc voilà ça, l'enveloppe numéro quoi? 73. On a orné cela. Il a mis une main d'enfant avec des fruits dedans pour dire que tu vas avoir des fruits dans tes mains. Maintenant, chaque fois ils vont prendre la parole de Dieu, ils vont tordre. Je vais citer parce que c'est enregistré. Thanksgiving 2013. MDG, souvenez-vous, ce n'est pas un parti politique. C'est un parti chrétien. Regardez bien. MDG, en définition, maison de gloire. Donc la gloire se trouve à l'intérieur. Donc le nom est déjà faux d'après la Bible. Jésus-Christ, notre sauveur, a dit que deux ou trois se réunissent seulement en son nom. Donc à l'instant, si vous écrivez devant cette porte, c'est que nous nous réunissons au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est plus là. Parce que c'est en esprit qu'on se réunit dans son nom. Il n'y a pas d'indication, ce n'est pas la publicité, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une organisation. On a confondu l'église jusqu'à une organisation. Voilà pourquoi les gens ont besoin de l'autorisation de l'État. Les gens ont besoin maintenant des plaques maintenant, les indications, les jours, les dates de l'heure, les jours de réunion. On va continuer dans l'acte des apôtres. Mais observez ceci. Ils mettent avant Esaïe 60. Pourquoi? Parce que Esaïe 60 dit que lève-toi, la lumière de Dieu se lève sur toi. Quand tu lis comme ça, tu penses que c'est toi qu'on a parlé. Mon ami, même un million ici à l'intérieur, tu ne peux pas rater Dieu. Amen. Vous saisissez, n'est-ce pas? Pourquoi, mes chers amis? Parce que Dieu a déjà mis dans les saintes écritures ce qu'on doit faire avec nos biens en tant que chrétiens. C'est ça que nous allons voir maintenant. Et alors maintenant, après avoir dénoncé ceci, je suis obligé de vous montrer ce que Dieu s'attend. Et pour Dieu, c'est comme ça qu'on doit faire. Donc la seule façon de servir pour Dieu, c'est servir comme la Bible l'a dit. Si vous ne servez pas à la manière de la Bible, vous allez servir un autre Dieu. Vous servez comme ça, vous donnez des libations et de l'encens à d'autres dieux, et principalement à la reine du ciel. Donc vous voyez quelqu'un de vous copier que vient, je connais un prophète ici. Donc seulement, tu vois quelle prophétie ça va arriver. C'est la reine du ciel. C'est la reine du ciel. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas notre milieu. Et quand c'est comme ça, c'est trop dur, pas quelque part. Il vit sur l'émotion. Je vois quelqu'un ici avec la voiture. Tu vas voyager. Effectivement, tu peux voyager parce que Satan est le prince de la puissance de l'air. Tu peux voyager dans l'air. Vous comprenez? Mais aucune prophétie qui peut donner sur toi ne peut t'amener dans le royaume céleste. Jamais. Parce que là-bas, on ne négocie pas par argent. On ne négocie pas avec le matériel. Alors, cette personne s'est écrit ici. Exode 20, 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Et le verset qu'il a dit, mettre contredit l'enveloppe, parce qu'on dit que l'hôtel où on va sacrifier le bœuf. Maintenant, le bœuf va dans cette enveloppe. Dis à ton voisin, il faut qu'on se réveille. Alors maintenant, quand il met bœuf, c'est pour dire quoi? C'est que tu mets l'équivalent qui coûte un... Voilà. C'est-à-dire que tu mets l'équivalent, c'est qu'il pourra acheter un bœuf avec. Le bœuf, c'est combien, mes chers amis? Et voilà pourquoi vous voyez, les femmes commencent à avoir des divorces avec le mari à la maison. Parce qu'ils prennent l'argent de l'enfant à les donner là-bas. Mais là, quand on va montrer maintenant le principe simple pour Dieu, ça va devenir difficile. Pourquoi? Parce qu'on a passé beaucoup de temps dans l'obscurité. Beaucoup de temps dans ce qui est pour le temps, que quand la vérité vient, mais de toute façon, on n'a pas le choix maintenant. Là. Je suis en train de présenter, si on va aller dans la Bible, voir ce que la Bible a demandé. D'accord? Ok, maintenant, après, il dit. Pendant que tu offres tes actions de grâce à Dieu pour l'année 2013, nous prierons pour toi en ce soir en présence de toute l'église de Dieu, afin que la grâce et la faveur qui est attachée au principe de la Thanksgiving soit la tienne pour 2014. Fraternellement en Jésus-Christ. Révérend Botagan Patrick, lui s'assure vraiment que l'enveloppe, tu ne comprends pas là où ça part. Si tu rates, tu ne sais pas là où il se trouve, tu l'appelles et tu joins. 96 72 07 76. Donc les gens ici. Ce sont les oubliés de l'iniquité. La Bible déclare, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, 17, qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur pain. Donc il faut aller à l'école théologique, apprendre ces choses-ci, parler, on met le piano là-bas. C'est-à-dire que quand ils viennent là-bas, les premières choses dans l'heure de la semaine, c'est qu'il faut qu'il y ait le piano, il faut qu'il y ait du contact. Vous faites les bruits, vous t'embrouillez bien. Vous quand il va passer un contact, donc poum poum. Ah non, le Seigneur. Attends, le Seigneur te touche maintenant. Ah, tu vois le Seigneur. Même la foule, vous tuez la foule, va faire comme ça, ça en fait qu'il y a l'adoration. Vous saisissez là, nous ça. Vous saisissez, n'est-ce pas? Dès ce moment-là, Dieu est esprit. Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Alors, on n'a pas besoin de ceci. On n'a pas besoin de ceci. Mes chers amis, ce sont ces choses qui ont éloigné le Saint-Esprit de mon Père parmi les croyants. C'est ça. Et il faut que vous fassiez attention. Parce que Jésus avait déjà dit qu'on ne peut pas servir maman. Il avait dit ça. Et ça règle le problème. Maman ne peut pas être quelque part, le Saint-Esprit vient. Maman ne peut pas être là et Jésus vient. C'est pas possible. Vous prenez n'importe quelle voie théologique, c'est ça que nous parmi eux font philosophie, psychologie, pour tourner les pensées des gens. Les pensées sont tellement de manières. Si tu as un terrain, donne ça à Dieu, construit une banque babylonienne, tout ça. Si tu donnes ton terrain, tu construis un peu pour Dieu. Dieu ne connaît pas ça parce qu'il n'a pas ordonné ça dans la Bible. Donc il y a des gens qui font construire ce qu'ils appellent les églises. Donc, tu connais quelle personne, c'est un grand pasteur qui a construit l'église dans Mongolia. Il dit bien, c'est zéro dans le royaume de Mongolie. Il ne connaît pas ça parce que tu as sauvé sur une mauvaise fondation. Tu as fait prospérer l'œuvre de l'Antichrist. Dieu n'a jamais ordonné ça, il n'ordonnera jamais. Même si vous rassemblez à vos champions pour son nom, ce n'est pas lui. Mais c'est pas la parole. Donc si ça vous choque, c'est votre problème. Mais je suis obligé de dire et dire ce qui est écrit, je ne peux pas sortir ces piquets. Si vous dites, dites je suis carré, je préfère être carré vraiment comme ça parce que les côtés sont égaux. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Donc mes chers amis, on peut avancer. Donc chez les pentecôtistes, donc, lorsqu'il n'y a pas ces choses-ci, il y a le séminaire sur le mariage. Quand vous finissez le séminaire sur le mariage, séminaire sur le chômeur, venez, il y aura des très grands dirigeants, parce que dans notre église, il y a des chefs d'entreprise qui vont vous dire comment faire les CV, rédiger un CV. Entrez, c'est pour annoter le watt, entrez 5000 francs avec le de consommation. Là, vous avez la consommation, vous donne le jus de 250. Vous ne pouvez pas que ce soit ça là. 10 000 personnes qui vont vous payer 5000 francs. 5000 francs, ça fait combien mes chers amis? Vous entendez ce que les pasteurs font, donc les pasteurs vous suivent, vous ne savez pas. En deux jours, vous voyez les pasteurs, on le roche d'or. Les Mercedes, ceci, les grands immeubles, quand ils passent, ils disent, vous, le pasteur là est béni. C'est la malédiction qui marche sur lui comme ça. Il sent la malédiction. Les pasteurs sentent la malédiction. Parce que l'apôtre Pierre que nous avons lu ici, quand il partait au temple, le monsieur qui l'a regardé pour espérer avoir une pièce, il a dit que je n'ai pas l'argent ni l'or sur moi. Je n'en ai pas. Mais j'ai la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il y a l'argent là-bas, le Saint-Esprit ne se trouvera pas. Tous ceux qui ont cet argent dans la Bible, servaient maman. L'apôtre a dû chasser l'une dans Actes chapitre 16. Et la Bible déclare qu'en profitant comme ça, elle donne les grands gains à son maître. Voilà pourquoi ces pasteurs-là vivent dans le mensonge. Chaque pentecôtiste, vous voyez là, avec les églises là-bas, vivent dans le mensonge. Prenez seulement un exemple. Je vais vous dire, pour que les gens apprennent à ce message. Prenez la pancarte de n'importe qui. Prenons ce monsieur-ci ou bien celui-ci. Allez seulement, je ne connais pas où il se trouve. Allez seulement sur sa pancarte. Voyez maison de gloire. Observez là où il a écrit maison de gloire, sa dénomination à lui. Vous allez voir en haut, il va d'abord écrire pas ou quoi que ce soit, décret présidentiel en 1976. Alors que lui, il construit sa dénomination en 2014. Comment quelqu'un qui a le décret en 1976 construit la dénomination en 1914? Qu'est-ce qui se passe? Un grand pasteur allé avec ses relations à la présidente de la République. Il a pris, il s'est procuré une autorisation. Et chaque pasteur maintenant, comme il n'a pas la possibilité d'aller à la présidence, prendre la République, voyez le mensonge. L'église pentecôtiste bâtit sur le mensonge pour l'église satanique des catholiques là. Comme il dit que l'église est bâtie sur la peau de Pierre là. De l'église de Monseigneur, Jésus n'est pas bâtie sur un cadavre. D'accord mes chers amis? Alors maintenant, les pentecôtistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir ce monsieur qui a l'autorisation. Ils disent, donne-moi un peu ton autorisation. Ils disent, ils signent un protocole d'accord. Chaque mois tu me verses telle somme en vertu de cet accord que vous avez. Vous comprenez? Il vient mettre sa plaque, il écrit d'abord Mévipac, puis il écrit en main maison de la gloire. Avec ce Mévipac, il doit mettre l'autorisation pour qu'on ne le dérange pas. Et par conséquent, ils donnent un grand nombre à ses maîtres, comme Acte de l'Apôtre chapitre 16. Quelqu'un dit le mensonge. Donc, vous voyez, la fondation sur le mensonge. Le Dieu de vérité ne peut pas être là-bas. Vous saisissez. Parce que chacun est sorti de l'école théologique, il veut manifester ce qu'il a connu là-bas. Alors, il commence quelque part, il prend sa femme, quand il n'est pas là, sa femme qui prêche. Ils font tout et tout pour suivre que l'enfant ne passe pas par une personne. C'est en plus qu'il doit prendre ça. Quand ça prend, pendant qu'il a dit, oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, il vous dit, fais ce que c'est pour regarder. Parce qu'il contrôle bien sûr de les compter, si ça ne quitte pas la bouche ici. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des entreprises. Voilà pourquoi ils vont parler de leadership là-bas. Il n'y a pas de leadership dans le corps de Christ. Ça ne se trouve pas, c'est étranger au corps de Christ. Il n'y a pas des administrateurs en second. Il n'y a pas de pasteurs de rang magistral. Il n'y a pas de révérend dans notre corps de Christ. C'est étranger à la Bible, mes chers amis. C'est un autre Jésus que les gens sont en train de prêcher. Révérend veut dire adorer. Donc, un pasteur que vous allez révérend, comme celui-ci, il a dit, révérend Botanga. Il veut dire adorable Botanga. Donc c'est lui, il est Dieu. C'est ce qu'il veut dire là. Il ne sait pas pourquoi on lui a appris ça à l'école. Il a été s'appeler Dieu sans s'en rendre compte. Parce que la révérence est due à la personne même seulement unique de Dieu. Jésus-Christ sur la terre, on n'a même pas appelé le révérend. Regarde bien. Celui-ci qui s'appelle le révérend va appeler Jésus-Christ, il va dire Jésus-Christ. Sans même habiller son nom. Quand il va prêcher sa prédication, il va dire Jésus-Christ. Sans mettre le révérend Jésus. Oh, c'est juste qu'il doit être révéré. Mais lui quand il met son nom, il dit révérend. Donc il dépasse qui? Jésus. Alors comment l'église fonctionnait? Le culte, il y a des frères qui sont venus me voir parce que c'est tellement embrouillé, on a tellement embrouillé les gens. On a dit que le culte, le frère m'a dit l'autre jour que mon frère, pour moi, je ne dérange personne. Quand nous nous rassemblons, on fait ce que on met un point dans la salle. Donc si quelqu'un a quelque chose à donner, pas donner pas, c'est libéral, c'est pas libéral. Tu as de douleur, c'est la loi de quelqu'un. Tu as de dire qu'on donne. Ça ne doit pas se trouver parce que il dit, montre-moi dans la Bible, tu ne peux pas montrer, ça ne se trouve pas dans la Bible. Il n'y a pas dans la Bible une réunion chrétienne où on finit comme ça, on dit que c'est maintenant le moment de nous, on passe les assiettes. Il n'y a pas ça dans la Bible. Souvenez-vous, c'est étranger à la Bible. Il faut que ça soit clair. Quand c'est clair maintenant, on va maintenant dire, qu'est-ce que la Bible en dit? Oui, on ne paye pas la dîme, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit dans le même bien? On aura comment souligner quelques versets, d'accord? Amen. Nous sommes d'accord, mes chers amis? Amen. Donc nous allons développer ça à la deuxième partie, le temps que vous prenez une ponctuation pour pouvoir manger. D'accord? Ne quittez pas les lieux, d'accord? Nous venons tout à l'heure. Nous allons continuer. Vous le Seigneur vous bénisse. Donc vous mangez tranquillement. De façon cordiale, ne sortez pas hors de la barrière s'il vous plaît. 15 minutes pendant que je vais construire le père, puis je vais revenir.